Alors, bienvenue dans ce débat. On est en direct sur YouTube, sur la chaîne Tepa TV International. Donc, pour ceux qui la trouveront, vous allez sur Twitter et sur les réseaux sociaux et puis on vous envoie l'adresse. Donc, débat ce soir sur la monarchie versus république. Alors, il y a eu un changement de programme. Initialement, il était prévu qu'on fasse le débat sur métissage, mais compte tenu, effectivement, du peu de temps qui nous restait pour pouvoir l'organiser, on va dire, plus sérieusement, on a préféré reporter, prendre un sujet un peu plus, on va dire, générique, de façon à ce que tout le monde puisse avoir une idée. Et ce débat sera reporté à la semaine prochaine. Comme ça, ça nous laissera le temps de préparer avec toutes les personnes qui avaient souhaité y participer. En tout cas, bienvenue à vous pour ce débat monarchie versus république. On n'a pas fait de casting particulier au sens où on ne sait pas parmi vous quelles sont vos opinions, s'il y a des républicains ou des monarchistes, mais bon, mon petit doigt me dit que on va trouver de tout. Et puis, comme d'habitude, je vais laisser la parole à l'asso qui va vous faire le soin de poser les cadres, évidemment, du débat. Merci. Merci à toi, Tepa. On a déjà rappelé un certain nombre de règles. Je pense que tout le monde est calé. Certains des plus nouveaux, tout ce qu'on vous invite à faire, c'est juste bien garder votre micro fermé si vous ne souhaitez pas qu'on vous donne la parole tout de suite. Et pour le reste des plus aguerris, vous savez quoi faire et vous savez quoi dire certainement. Donc, comme disait Tepa, le sujet, c'est vrai qu'on improvise un petit peu ce soir par rapport au sujet initialement prévu du métissage, mais on sait que c'est un sujet largement plébiscité puisqu'on consulte souvent les personnes sur les sujets qu'ils souhaitent discuter lors de ces débats et que c'est un sujet qui visiblement a beaucoup d'intérêt pour beaucoup de personnes. Suivi de l'opposition entre république et monarchie. Et certainement, au cours du débat, comme assez souvent, en fait, on arrive à concilier des concepts a priori totalement opposés. Certainement, parmi vous, certains auront cet argument, peut-être de présenter les choses avec un peu plus de nuances. Mais a priori, il est vrai que république et monarchie font pas bon ménage. Je pense qu'on s'attardera beaucoup aussi sur le concept même à la fois de république et de monarchie. La république, c'est d'abord un concept ultra remis en cause et critiqué ces derniers temps particulièrement. Donc c'est certain que vous aurez beaucoup de choses à dire là-dessus. Et pour commencer, moi j'ai honnêtement envie juste de mettre les pieds dans le plat directement. Est-ce que, je vais vous poser la question tout à fait franchement et directement. On fera un premier tour de table comme d'habitude, un premier tour de chauffe. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez répondre tout de suite, à prendre la parole. Est-ce que vous pensez pas, en étant parfaitement réaliste, qu'être royaliste ou monarchiste en 2018, dans ce monde moderne qu'on connaît, avec toutes les avancées démocratiques et autres, et autres développements qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas vraiment un concept totalement désuet qui de toute façon restera une utopie en fait, du moins en France, étant donné le divorce qu'a eu il y a quelques siècles de ça avec ce régime monarchique. Donc voilà, je vous pose la question très franchement, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu irréaliste de se dire aujourd'hui monarchiste ou de prôner le monarchisme ou le royalisme? D'ailleurs, ce serait bien s'il y en a parmi vous qui connaissent un peu les nuances entre ces appellations, de nous en faire part. Mais voilà, est-ce que c'est pas juste un peu trop irréaliste, honnêtement, entre nous, hein? N'hésitez pas à être franc. Voilà. Donc, pour la suite, qui est-ce qui voudrait commencer à prendre le flanc? Ça a baoulé, je vois que tu as le micro ouvert. Ouais. Mince, désolée. Du coup, avec ta première question, moi, j'ai envie de répondre. Les personnes qui se disent royalistes ne veulent pas forcément revenir à un copier-coller de l'ancien régime. Hein. Moi, par exemple, la monarchie, enfin, je ne la veux pas telle qu'elle était avant. Par exemple, je ne dissocie pas monarchie et démocratie. Ouais. Donc ce qui m'intéresse, je me définirais pas monarchiste, peut-être royaliste à la limite, Mais dans l'idée d'avoir un roi, quoi, parce que pour moi, le roi est plus légitime, il est plus, enfin, il va être plus, enfin, on n'a pas le risque de démagogie qu'on peut avoir avec un président. Moi, c'est ce côté-là que je veux garder. Après, je veux pas spécialement ce qu'il y avait à l'ancien régime. Je pense que c'est pas qu'on peut avoir une forme de démocratie avec des référendums, ce genre de choses. Donc moi, je me dirais royaliste, mais vraiment un nouveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, je sais pas ce que les gens Est-ce en que pensent. c'est pas un genre de monarchie constitutionnelle? Mais bah, faudra se poser la question, dans une monarchie constitutionnelle, de quel pouvoir réel en fait a le monarque en fait. Mais on voit très bien, et merci en tout cas pour ta première réponse, Sabolon. On y reviendra de toute façon, c'est sûr. Je vois qu'il y a Tony après toi, s'il nous entend. Bien sûr. Salut Tony, vas-y. Et salut à tous. Eh ben, pour ta question, on évoquait ça un petit peu déjà tout à l'heure. Faut voir déjà, oui, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, de quelle monarchie on parle. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que, par exemple, les Français demain, si on leur dit, eh ben, si on leur propose de revenir à la monarchie absolue de droit divin, je pense qu'il est évident qu'on va avoir une réaction épidermique, pour le moins. Par contre, je pense que pour ce qui est de la monarchie, notamment constitutionnelle, bah, par exemple quelque chose qu'on a au Royaume-Uni, je pense que déjà c'est un format qui, dans l'état, serait peut-être plus séduisant dans l'état actuel, dans la pensée des Français, je veux dire, hein, je parle même pas de mon point de vue. Parce que finalement, au Royaume-Uni, la reine, actuellement, la couronne, de façon générale, n'a pas. Aussi loin que je sache, je ne suis pas un expert de la monarchie britannique, mais n'a pas de pouvoir politique à proprement. Elle est plus représentative. C'est la mère de la nation, quelque part, comme on pouvait dire d'avant nos rois qui étaient le père de la nation. Et je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui séduirait déjà beaucoup plus nos compatriotes d'avoir un père de la nation, quelque part, quelque chose au-dessus, finalement au-dessus des politiques, ne serait-ce que sur la représentation du pays. Voilà, je vais m'écourter ici. D'accord, merci Tony. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne qu'il y a ce genre de monarchie, mais on parlera peut-être d'autres exemples. Et c'est discutable, je pense, en tout cas ce que tu viens de dire, Tony, sur le fait qu'en France, ce serait quelque chose de souhaité ou de souhaitable par l'ensemble des Français. Je crois qu'honnêtement, ça reste très, très discutable. Ensuite, on a Wanasdra, si tu es dans le coin. Oui, alors pour moi, la monarchie actuelle n'est pas totalement viable à l'heure d'aujourd'hui, sachant que les rois et reines européens qui ont vendu quand même leur pays, l'UE, donc pour moi c'est des traîtres. Et en même temps, la République. Pour moi, c'est quelque chose de désuet, sachant que la France n'a jamais brillé réellement dans une république. Il faut voir la première, la deuxième république où on est. Elles n'ont pas duré très très longtemps. Là, on est en troisième. Celle-là, elle a duré un peu plus longtemps. Aujourd'hui, on est en quatrième, cinquième. Je ne pense pas que ça va durer encore plus longtemps que ça. Mais c'est vrai, revenir à une monarchie, ça serait pas mal. Mais une monarchie constitutionnelle avec des prérogatives pour le roi. Merci Wanazra. Dole, juste après toi. Oui, bonjour, bonsoir les amis. Alors, dans l'ordre, la monarchie, c'est quand même le système qu'on a eu le plus longtemps en France. Suite à ça, il y a la pierre angulaire qui, selon moi, est donc la Révolution, donc la philosophie des Lumières, la franc-maçonnerie et tout ça. Et ensuite arrive donc la République. Pour moi, en monarchie, en France, on était souverain de notre territoire et on n'a jamais autant perdu de souveraineté depuis que la comment dire, la soi-disant démocratie et la soi-disant république se sont instaurées dans notre pays. Donc, est-ce que la monarchie est désuète à l'heure d'aujourd'hui? Je ne sais pas vraiment si on peut parler d'un système désuet. Je pense que ce soit la monarchie, la dictature, la démocratie, la république, toutes sortes de dogmes qui a vocation à gérer une nation. Le problème, c'est pas en soi le dogme en lui-même, c'est la qualité des hommes et des femmes qui en sont les tenants, on va dire, les régents. Je pense qu'il vaut mieux une bonne monarchie qu'une mauvaise démocratie. Je pense qu'il vaut mieux une bonne république qu'une mauvaise monarchie. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe, ce qu'on veut pour notre pays, pour notre nation. Et si la monarchie, à l'heure d'aujourd'hui, qui est représentée, je crois, par Louis XX ou XXI, c'est ça, si je dis pas de bêtises, le dernier roi qui descendant des rois qui reste chez Louis XX, je crois. Louis XX, à savoir avec aussi le comte mince, je sais plus comment il s'appelle, Louis, je sais plus, mais ils sont deux, à savoir si ces deux personnes-là en tant que monarchistes ou royalistes seraient compétents à la gestion du pays, à récupérer notre souveraineté et à développer notre nation avec un avenir, un futur commun. Ça, c'est une question que personnellement je n'ai pas assez d'éléments de connaissance pour y répondre. Merci Dal, de toute façon on creusera au fur et à mesure. Bah, te passe, si tu veux bien nous chauffer la salle là, parce que les gens ont l'air timides ce soir. Ah, il y a de la timidité dans l'air. Il faut se décoincer, les amis. Non, moi, ce que je pense, c'est que il est intéressant déjà de constater que ce débat, il a lieu en ce moment. On est quand même plus de 200 ans quasiment après la Révolution française. Il y a eu une période où quand même le mythe républicain, qui est quand même très puissant, qui s'est bâti justement sur cet événement, eh ben, il est fortement écorné. On pourrait se poser la question d'ailleurs pourquoi, parce que moi, il y a 15 ans, il y a 20 ans de ça, il n'a jamais été en question de remettre une seule fois ce mythe républicain. Je veux dire, c'était presque sacré. Or, je vois que les nouvelles générations, elles, n'y sont plus attachées. Alors, évidemment, hein, on voit bien que on va coller l'étiquette, oui, c'est du complotisme, les francs-maçons, la révolution, mais il n'est pas de ça. Moi, je vois que il y a vraiment ce mythe n'est plus sacré dans le cœur des gens, car à la redécouverte en fait de l'histoire de France, on aperçoit que la République, c'est un régime qui s'est imposé par la terreur. C'est quelque chose, tiens, qu'on nous avait pas forcément expliqué en cours d'histoire. En tout cas, on nous l'avait pas présenté tel quel. Et quand on découvre la réalité en fait du régime républicain, on s'aperçoit que derrière ces oripeaux justement de démocratie, d'égalité, de bienveillance, de liberté pour tous, il y a au contraire une forme de tyrannie, il y a une oligarchie, il y a un système qui est assez pourri finalement, bien en fin de compte, de tyrannie, et qui n'a pas en tout cas tenu toutes ses promesses. Et la monarchie, alors là je vais donner alors évidemment une opinion toute personnelle. Moi je suis, c'est pour ça que je pense que c'est très bien que t'es posé au début de ce débat l'idée que la monarchie était une idée obsolète, une idée vieillotte, mais c'est à y penser. Vous avez vu, en 2018 on est en train de se poser la question, est-ce que c'est un roi serait utile, et on se rend compte que si on y réfléchit bien, moi par exemple dans mon parcours idéologique et politique, au départ évidemment la monarchie, j'ai toujours pensé que c'est des tarés, mais c'est quoi ces gens rétrogrades qui veulent revenir à des régimes passés, etc. Bon, en bon réflexe républicain, on va dire. Et parcours se faisant, années se faisant, déformatage se faisant, on réfléchit et on appréhende les choses différemment. Surtout que, bon, depuis, j'ai eu l'occasion de rencontrer, on va dire, un certain nombre de royalistes, énormément d'ailleurs. C'est un courant qui est beaucoup plus présent, même si on veut continuellement les faire passer pour des ringards dans les médias. Mais ce courant-là, il existe. Et quand tu as affaire, en fait, à ces gens-là, tu te rends compte qu'ils sont, mais ce sont des érudits de la France dans tous les sens du terme, bien souvent, et des amoureux au plus haut point, et qui ont vraiment une très très très haute idée en fait de la France et qui la connaissent très bien. Et quand tu vois en fait ces monarchistes qui sont, comme je dis, donc à chaque fois souvent des très grands érudits, ils te font bien comprendre finalement que cette France monarchique, il y avait une continuité, et cette continuité, elle a été rompue à un moment, et que ce n'est pas anodin peut-être dans la suite de ce qui a suivi justement dans l'histoire de France. Et lorsque tu es arrivé à ce questionnement-là, tu te dis que finalement la monarchie, elle n'est pas si c'est pas si futile, si anodin, et que ça pour la représentation et justement le suivi, tu vois, le sens de l'histoire, voilà. Bon, la France reprendrait son sens de l'histoire, et quelque chose qui était quelque part justement à l'apparence désuète et complètement démodé, rétrograde, voilà. Et puis on peut imaginer les encore pire comme adjectif, mais la monarchie, moi, j'observe que ça donne une stabilité. La France, par exemple, en ce moment, c'est un pays qui, on nous parle tout le temps, voilà, de division. On manque d'unité. Un roi, il aurait eu ce grand rôle de l'unité. Et c'est pas si con que ça. Et en plus, j'ajouterais juste en dernier recours que dans notre civilisation, on a oublié les symboles. Et quand on vient à rebours du temps, on s'aperçoit que depuis l'homme des cavernes, en passant par les Égyptiens, les Romains, les Perses, les Chrétiens, et dans toutes les civilisations qui nous ont précédés, les symboles étaient très forts. Et la monarchie, on peut dire qu'elle a été constitutive, structurante aussi, de ce qu'a fait l'identité de l'Europe. Et à partir de là, justement, le fait d'abandonner comme on l'a fait et de rompre avec ces systèmes traditionnels, c'est abandonner aussi une partie de nos symboles. Or, les symboles aussi sont, je pense, nécessaires au suivi historique d'une nation. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. On va continuer le tour. On va continuer le tour, et juste avant, j'ajouterai juste une précision sur effectivement la question de départ que j'avais posée sur le côté, cet argument en fait que j'utilise à dessein, mais l'argument républicain de dire que la monarchie c'est un régime totalement obsolète, comme tu dis, désuet, qui a pas de sens en fait à notre époque. J'ajouterai là-dessus, bien que j'ai posé la question de cette façon, que je suis bien conscient que en Europe il existe un certain nombre de monarchies, et parmi ces monarchies, certaines des plus reconnues comme les plus, disons des peuples les plus démocratiques du monde. On peut compter la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, Luxembourg, la Belgique, l'Espagne, des pays qui sont hautement démocratiques et pourtant qui ont conservé ce régime. Mais après, ça reste discutable. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Donc c'est sympa. On va continuer ce premier tour, dans l'ordre du coup avec Amoros, si tu nous entends. Alors moi, je voudrais dire que en fait, les gens ont perdu tout repère de culture et d'identité au fur et à mesure des années. Et en fait, ils se sont pris à chercher du sens dans leur vie. Et aujourd'hui, par rapport à n'importe quelle autre époque, aujourd'hui, on a des outils comme Internet pour pouvoir se rééduquer au niveau de notre histoire, en fait, et pas de l'histoire républicaine que on nous a fait gober. Moi, je suis né dans les années 70. Il n'y avait aucun moyen de se rééduquer à l'époque. On prenait ce qu'on nous servait à l'école, et à moins d'acheter des bouquins pour ceux qui aiment lire, c'était pas possible. Aujourd'hui, il y a même des gamins de 12 ans qui s'informent sur ça, quoi. Chose qui n'était pas possible avant. Et c'est cette quête de sens historique ou quoi a ramené beaucoup plus de monde à s'intéresser à la monarchie contre la République. Merci Amoros. Je crois qu'après toi, il y a Harmonique. Oui, salut, désolé pour ma voix. Salut Alasso, salut Tepa, salut tout le monde. Je suis désolé pour ma voix, j'ai une rhino. Pour faire simple, là on parle République justement et monarchie. Il faut dans tous les cas, surtout au niveau de la France, mais même je pense au niveau de l'humanité, si on n'a pas des modèles, ça peut pas marcher. D'ailleurs, au niveau du roi, j'ai regardé, roi, l'étymologie, ça vient de reg, c'est-à-dire un régent, celui qui dirige. Je pense, dans une société idéaliste, on n'a pas besoin ni de roi, ni de flic, ni ce que vous voulez. Mais c'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est que même si c'est transmis par le biais d'un homme ou d'une femme, ce qu'on veut, c'est qu'il faut un modèle. Et que si ce modèle n'existe pas, ça part en couille. On peut l'appeler morale, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler roi, on peut l'appeler république, ce que vous voulez. Basé sur des faits qui concordent au réel. Tout simplement. Voilà. Merci Harmonique. Alors, camarade, plaisir de te revoir, camarade. T'es avec nous ? Faut que tu retrouves la bonne touche, c'est ça ? Bon. Bah écoute, en attendant que tu la retrouves, on a LSW33. J'ai retrouvé ma touche. Merci. J'ai retrouvé ma touche, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon quand même, ça marche. Ok, bah, je passe le bonjour déjà à tout le monde. À propos de ce premier petit tour de table, j'en avais déjà parlé hier. Mais la première des choses, c'est que je crois que tu avais évoqué le caractère désuet du concept de monarchie ou de royauté. On verra la différence qu'on met là-dedans. Ou de royalisme, pardon, de monarchisme. Et donc, le fait que ça n'était pas quelque chose de réalisable. Il faut distinguer le fait de penser, est-ce que ce n'est pas réalisable, c'est-à-dire que dans le paradigme où on est, est-ce que les gens vont accepter, et le fait de, est-ce que c'est réalisable, c'est-à-dire est-ce que ça peut être fonctionnel selon la façon dont ce serait mis en place. Encore une fois, je rappelle moi que je suis pas du tout monarchiste ni royaliste, mais que, je l'avais dit hier, certains arguments, et d'ailleurs ça a été repris par une des intervenantes en faveur du monarchisme, pèsent très lourd, et notamment le fait qu'un roi, étant élu, n'étant pas révocable tous les 5 ans, n'a pas à faire de la démagogie, en fait, et peut se consacrer à ce qu'il estime être le bien de son peuple, puisque lui, il est assuré de sa propre subsistance. Donc ça, je pense que ça pèse très très lourd, parce qu'on voit bien dans les démocraties le poids de la corruption, le poids du lobby, le poids des multinationales, etc. Je pense qu'avec un roi, ça pèserait beaucoup moins, parce que le roi, voilà, il est sûr de son siège, il est sûr de qui reprendra les rênes du pays. Et tu avais évoqué aussi le fait que c'était certainement irréalisable en raison du divorce qu'il y avait eu en 1789 entre le peuple et la monarchie. Je suis pas complètement convaincu que ceux qui disent que la révolution française était l'une des premières révolutions colorées se trompent. Je pense plausible l'hypothèse qui veut que la Révolution française a été un putsch organisé par de la bourgeoisie. Bon, moi, je suis pas définitivement catégorique là-dessus, mais il y a des gens qui en ont parlé de façon très intéressante. Je crois bien que Adrien Abosi est très intéressant là-dessus, et je suis assez convaincu par ce type de choses. En fait, je vais essayer de pas faire trop long, mais on nous a construit quand même, et c'est très étrange, toute une république basée sur le fait que le peuple peut se révolter et foutre le pouvoir en l'air quand il abuse, et on est strictement dans un pays où il est impossible de le faire. Donc voilà, je trouve ça paradoxal, et la différence fondamentale entre la monarchie et la république, je ne la vois pas vraiment. Ouais, bah ouais, c'est vrai, pour le coup, ça, c'est assez pertinent. La façon dont on nous l'a vendu et le fait qu'on ce soit absolument pas ça aujourd'hui. Alors, il y a encore Isalex, s'il nous écoute. Ouais, bonsoir à tous. Salut. Alors, bah, moi, pour rebondir sur ce que Conrad disait, bah, je suis tout à fait d'accord. C'est la République s'est imposée sur un putsch, en fait. Et d'ailleurs, t'es pas là bien signalé dans son intro. C'est les choses ont été vraiment cachées en fait. Et si tu veux, il n'y a pas que la façon dont le pouvoir a été pris qui nous a été caché. Parce que aujourd'hui, on nous fait un portrait de la monarchie qui est quand même vachement sombre. On nous dit que le roi était un tyran, etc. Que c'est à cause de lui que le peuple avait faim. Et on se rend compte que au final, c'est bien le roi qui défendait le peuple contre ses serfs, etc. Mmh, ouais, ok. Voilà, pour l'instant, alors, sans vouloir trop vous mouiller, ça défend quand même un petit peu, je dirais, une certaine idée, ou certaines valeurs peut-être portées par le royalisme. Je crois qu'il y a encore Soum Soum qui est avec nous. Je ne sais pas si il ou elle nous entend. Bah, visiblement non. Bah, dans ce cas, on va peut-être continuer. Topa, tu voulais ajouter quelque chose ? Il doit être perdu dans la configuration technique. Ok, alors je crois qu'il y a Tabaoulé. Bah, vas-y, Tabaoulé. Ouais, je voulais juste revenir sur l'argument en fait que bah, les Français n'auraient pas envie d'une monarchie ou enfin qu'ils ne voudraient pas d'un roi, qu'ils préféreraient la République, mais un roi, ça s'impose. Enfin, on vote pas pour le retour d'un roi, donc je trouve que cet argument, il est pas vraiment valable en fait. Et d'ailleurs, il y a même des peuples qui sont sous une République. J'avais vu ça, je sais plus, je crois que c'était en Serbie, et que plus de 50% de ce peuple voulait le retour du roi, et pourtant, il y a pas de monarchie. Donc c'est pour ça que moi, cet argument, ça s'impose une monarchie. Henri IV en est bien l'exemple. Il s'est imposé, on voulait pas de lui, mais tout en montrant au peuple qu'il voulait le bien du peuple. Ok, bah je t'entends, ça va. Allô, oui, ça s'allume. Oui, désolé, soucis techniques. C'est voilà. Donc oui, bah non, j'écoute avec attention ce que vous dites et c'est voilà, c'est, je pense que. Ah, justement. Vas-y. Je voulais juste rebondir sur ce que dit Savaoulé parce que. D'accord, alors un roi, ça s'impose, etc. Mais encore une fois, je repose ma question. Est-ce que c'est vraiment réaliste de penser que dans un avenir proche ou même un peu plus lointain, qu'il y ait une telle figure ou un héritier qui s'impose face au peuple français, qui est imprégné totalement du logiciel républicain, jusqu'au point où même parmi ceux qui seraient le plus contre le pouvoir en place, la constitution actuelle, etc., jusqu'au point où ces personnes-là considéraient que des changements constitutionnels ou en fait qu'une république refondée, retravaillée, etc., pourrait leur convenir. Je veux dire, c'est qu'on a un point de républicanisme entre guillemets qui est passé le point critique. En fait, on peut, est-ce que c'est réaliste de dire qu'on puisse revenir sur ce modèle-là? Et d'ailleurs, est-ce que ça s'est même déjà vu, on va dire, dans notre ère un peu contemporaine? J'en suis pas certain. Vous avez peut-être des exemples. Alors moi, je suis pas persuadée qu'il y aura le retour d'un roi en France. À l'heure actuelle, ça reste compliqué. Je suis d'accord. Maintenant, comme l'a dit Tepa, le mythe de la République se casse la figure quand même. Bien que je pense pas que, enfin, à mon avis, ça c'est parce que l'école républicaine fait plus son boulot, mais elle est pas en train de créer des monarchistes, elle crée juste des moutons. Mais oui, non, je pense pas que c'est demain qu'on aura un roi, mais ça me paraît pas totalement impossible non plus. Bah, en plus, les Français, on a tendance à se comporter, même avec notre président, enfin, on dirait des gamins qui sont avec leur père, quoi, qui sont avec leur papa. Donc, on le dit souvent, les Français, au fond, sont monarchistes. Enfin, moi, je trouve. Ok, bah, je trouve ça quand même assez discutable. Mais il y a juste San par la suite qui veut réagir là-dessus. Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez assez fort ? Oui. Ok, c'est parfait. Ben, moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est déjà, premièrement, je ne sais même pas si ce serait souhaitable le retour d'une monarchie, dans le sens où autant les républicains, je pense qu'ils nous ont bien pourri le cerveau en nous faisant croire que, effectivement, la monarchie, c'était la dictature, c'était horrible. Les pauvres se faisaient opprimer par le roi. Mais je pense aussi que chez les royalistes, on a tendance à trop idéaliser la monarchie. C'est vraiment l'inverse. Je pense qu'il faudrait voir ça sous le prisme d'un juste milieu plutôt, et se rendre compte que c'est un régime comme un... maintenant, est-ce qu'il est mieux que la République ? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'on risque de voir naître une monarchie dans les années à venir. Ça, c'est pas possible. Les royalistes n'idéalisent pas, je suis désolé, mais pour moi, on n'idéalise en rien ce que tu dis là. Pas du tout. La monarchie n'est pas du tout idéalisée. C'est le royalisme qui l'est. Tu vois ce que je veux dire ? Bah continue, Matt. Continue. Bah vas-y, développe ton propos. La plupart des royalistes, en fait, ils veulent simplement une incarnation de la patrie. Ils ne veulent pas nécessairement les institutions qui vont avec. Mais effectivement, oui, les institutions qui vont avec seraient meilleures que les institutions républicaines. C'est tout. Mais après, c'est pas pour autant que les royalistes idéalisent cela. Ce qu'ils idéalisent peut-être un petit peu, c'est la figure du roi. En effet. Ouais, mais ça, c'est une fidélité. Parler. Pardon ? Je disais, c'est surtout de ça que je voulais parler. C'est beaucoup de la figure du roi. Mais aussi, tu vois, quand tu te dis que les institutions seraient meilleures, qu'est-ce qui te permet d'en être certain ? Oui, bah écoute, la décentralisation, le centralisme républicain qui veut que tout soit, en gros, géré, si tu veux, par Paris, est mauvais. Il est évident que les anciennes régions, plutôt les anciens départements, vous voyez ce que je veux dire, les anciennes régions, dans le sens plus ancien, on va dire, étaient évidemment beaucoup plus naturelles. Tu pouvais nettement plus agir au sein de ta région qu'au sein de la nation, qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup trop grande. Déjà même aujourd'hui, on a déjà du mal à parler avec son propre maire. Alors, pouvoir parler au président, j'en parle même pas. Ça n'a aucun sens. Mais effectivement, oui, l'ancien tiers-État permettait justement de pouvoir avoir plus d'emprise sur son présent, sur sa réalité. Pour moi, si vous voulez, il est évident, et d'ailleurs justement, l'Action française dit qu'ils ne sont pas défavorables à la démocratie participative. Pourquoi ? Parce qu'il peut très bien y avoir des référendums directs à petite échelle, à petit échelon. Donc, d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils disent qu'ils ne sont pas nécessairement antidémocrates sur ce point. Ils ne sont pas antidémocrates là-dessus. Ça veut dire que le peuple, oui, bien évidemment, peut choisir son destin dans une petite communauté, mais pas à l'échelle nationale, tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, et encore moins aujourd'hui qu'avant. Vous voyez ? Merci à toi, Matt. On a d'autres personnes, je crois qu'il y a Marshall dans le coin. Oui, puisque justement... tout le monde m'entend bien, excusez-moi. Oui. D'accord, très bien. Donc, puisque justement, on parle d'idéaliser un monarque, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait du coup plus de possibilités qu'on en arrive à une espèce de figure de guide suprême, ce qui est la marque de la... plupart, si ce n'est de la totalité des régimes totalitaires. Donc toi, tu associes monarchie à régime totalitaire ? Je pose la question. Je n'associe rien du tout, je pose la question. D'accord. Je peux répondre à ça, vas-y. À l'assaut ? Vas-y. Moi, je ne sais pas si on peut associer les deux. En tout cas, je pense que c'est plus plausible qu'un régime totalitaire naisse plutôt qu'une monarchie. Si ça devait arriver, je vois. Je suis d'accord, je suis d'accord. Absolument. Et surtout que monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Donc c'est forcément un régime totalitaire. L'absolutisme royal n'est pas nécessairement un fascisme. Même pas du tout. Non, mais le fascisme, ça vient de fascio. Non, mais d'accord. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Parce que, il faut connaître l'étymologie des mots. On parle du fascisme ou du royalisme sans savoir. Le fascisme, ça vient de fascio, c'est le faisceau, c'est la droiture, c'est l'ordre, tout simplement. C'est pareil, on parle de monarchie, c'est le régent, c'est le pouvoir d'un seul homme. Donc c'est forcément totalitaire. Est-ce que le pouvoir d'un seul homme totalitaire qui vise à construire, développer et protéger la nation est moins souhaitable, qu'un pouvoir dispersé sur plusieurs personnes qui veulent la détruire? Et puis j'ajouterais qu'actuellement, le président a bien plus de pouvoir que ne pouvait en avoir Louis XV, par exemple. Je suis d'accord avec cela. Effectivement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le pouvoir ne soit pas royal. Le président a tous les pouvoirs aujourd'hui, pratiquement tous les pouvoirs. Donc on ne peut pas dire que la monarchie est un totalitarisme et à ce moment-là, pas la République. C'est simplement que le président aujourd'hui n'a le pouvoir total que pendant 5 ans. Mais il l'a tout de même. Et celui qui lui succédera l'aura aussi. Là, c'est une illusion. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on a en face des yeux. Il y a des rapports de force. Déjà, on a 3 pouvoirs différents, même s'ils sont des fois flous. Les liens entre eux sont certainement flous, je suis d'accord. Mais on n'a pas un dictateur en l'homme de Macron, faut arrêter de dire des conneries. C'est juste qu'il représente l'état d'esprit qu'il y a derrière, tout simplement. Tu crois que c'était quoi sous la monarchie? Le gars, c'était un dictateur qui dictait tout? Non, mais j'ai jamais dit le contraire, Matt. J'ai jamais dit le contraire. Ouais, c'est, mais les états généraux, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un humain qu'il y a derrière. Alors que les idées, qui sont absolues par leur essence, tu peux pas être des idées quand t'es un humain, c'est pas possible. C'est juste essaye de faire au mieux. Si tu me parles de roi, on peut parfaitement aller au pharaon aussi, tu vois. On va juste essayer de donner la parole à Actarus, s'il nous entend. Visiblement non. Ok, donc il y a peut-être Steve ou Steve, je sais pas comment on prononce. Non plus. Écoutez, non, mais poursuivez. Moi, je voulais dire quelque chose, c'était que tout dépend aussi de ce qu'on met derrière, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de symbole, à mon sens, parce que la monarchie, on imagine bien que dans un monde moderne comme on est, et comme tu l'as développé au début, avec toutes les avancées telles qu'on les a connues, on ne pourra pas non plus revenir, à mon sens, à une monarchie type moyenâgeuse ou quoi. Je suis pas du tout d'accord avec cet argument. Hein. Moi, je sais pas. J'ai beaucoup de mal à y croire. Moi, je suis pas du tout mal à y croire. Mais, en tout cas, ça dépend de ce qu'on met derrière. Parce que le symbole, en tout cas, il reste fort. Après, si c'est pour, effectivement, y mettre tout un pouvoir institutionnel comme on l'a connu, ça, ce sera beaucoup plus dur à avaler. Je pense que la couleur passera beaucoup plus difficile. Attends, juste, si je puis me permettre, tu dis qu'en gros, revenir à la monarchie, c'est revenir en arrière, mais la République, tu crois que ça... Ah non, j'ai pas dit ça. Ah, j'ai absolument pas dit ça. Ah non, mon cher, j'ai pas dit ça. Justement, je répondais au fait de ce qu'on peut mettre derrière, en fait, au sens du pouvoir institutionnel qu'on va donner à ce roi. Tout ça peut s'organiser. Si tu veux, justement... On pense trop la monarchie comme un absolutisme, un espèce de autocratie en fait totalitaire. Or, je pense que justement, ça peut être différent de ça. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, qu'est-ce que un roi sans pouvoir absolu? Quel est l'intérêt d'avoir un roi s'il n'a pas de pouvoir absolu? Figure de leader, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'une figure qui les inspire, qui les motive, qui les rassemble. C'est un pouvoir à part entière qu'il a de base. Mais ça peut pas être simplement une vitrine, tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas être simplement juste une espèce de bibelot posé sur la commode, tu vois? Il faut qu'il ait un vrai pouvoir pour pouvoir incarner quelque chose. Mais le pouvoir, c'est au peuple de le lui donner. Il est le roi d'un peuple, il n'est pas le roi d'une construction matérielle. À un moment donné, il y a des gens qui le suivent. Son travail, avant tout, c'est d'être un leader, un motivateur, un rassembleur. Ensuite, une fois que le rassemblement a lieu, le peuple qui le suit, s'il est correct, s'il est légitime, va lui donner le pouvoir dont il a besoin. Et puis, les rois de France n'ont jamais dirigé seuls non plus. Ils ont toujours été hyper surveillés, ils avaient des... Absolument, absolument. C'est un grand mythe, les rois qui faisaient tout ce qu'ils voulaient, et puis qui massacraient leur peuple, et puis qui bouffaient de la... Enfin, c'est n'importe quoi, c'est un grand mythe, évidemment. Louis XVI, c'est un mythe. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'excès, hein, cela dit. Hein. Mais oui, bien sûr que c'est un mythe. Aujourd'hui, il est évident que lorsque l'on voit l'hyperclasse qui se reproduit entre elles, qui fait exactement la même chose que la noblesse d'avant. Les profs d'histoire parlaient du roi Séoré. C'est ridicule. Du roi Séoré qui s'intéressait pas au pouvoir. Toujours est-il qu'il a été affilié par son sang au pouvoir, tu vois. Donc dans ce sens-là, c'est peut-être une monarchie, mais pas une oligarchie, tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est l'héritier qui dirige. Donc c'est pas le meilleur. Ok. Bon, là, on a fait, bon, je pense, un petit peu le tour de la première mise au point, on va dire, sur ce sujet. Mais je pense quand même qu'il y a d'autres manières de... Il y a d'autres angles, on va dire, d'autres points de vue par lesquels on peut approcher ce sujet. Et finalement, la question que j'aimerais soumettre, c'est qu'est-ce qu'en fait on attend d'un État, en fait ? Qu'est-ce qu'on attend d'un régime politique ? Qu'est-ce que chacun d'entre vous, si vous voulez répondre, attendent ? Qu'est-ce que sont les responsabilités en fait de l'État vis-à-vis du peuple? C'est ça la question que je souhaite poser. Et donc par la suite, logiquement, qu'est-ce que de la République ou de la monarchie est ce qui est le régime le plus efficace pour faire valoir ces principes-là de base? Qu'est-ce que vous attendez de l'État et quel est donc le système le plus à même de vous l'apporter? Je pense que par là, on va pouvoir... Juste une petite précision quand même, puisqu'on a on a en Europe des monarchies autour de nous. L'une des plus connues, la monarchie d'Angleterre. Et effectivement, peut-être ça va réconcilier les deux positions, de celle de Matt et la mienne, c'est que oui, elle a un pouvoir absolu, parce qu'elle a le pouvoir de démettre le Premier ministre, et on doit avoir son accord pour être en place. Mais par définition, c'est quelque chose qu'elle va utiliser avec parcimonie, c'est comme le bouton nucléaire. Donc, il y a un équilibre. Mais il est vrai qu'elle a encore un pouvoir qui est presque absolu dans la mesure où elle peut démettre le Premier ministre qui serait, en théorie, la personne issue des urnes par le peuple. Enfin, voilà, juste pour en afficher. Donc voilà, donc pour continuer, si vous souhaitez réagir sur cette question de quelles sont, selon vous, les responsabilités de l'État face au peuple. Eh bien, c'est tout simple. Pour moi, un État, c'est un réseau. C'est un réseau de culture, de nation. Enfin, c'est une nation, de peuple, de tout ça. C'est l'homogénéité, l'équilibre de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il se stabilise dans le bien-être au maximal et qu'il puisse transmettre ses idées à ses futures générations. Ouais, non, pour moi, l'État, c'est évidemment le régalien. C'est le pouvoir régalien, point barre. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de liberté absolue, il doit y avoir des libertés en bas qui sont accordées donc au peuple. Le peuple fait ce qu'il veut, en gros, hein, en bas, mais en haut, l'État garantit la sécurité, la souveraineté, etc. Garantit. Donc le pouvoir régalien, c'est donc, pour rappel, c'est l'armée, c'est la justice, c'est même la police, si vous voulez. Mais c'est pas l'école, c'est pas les hôpitaux, c'est pas tout ça. Ok. D'accord. Donc pour toi, Matt, l'État essentiellement doit assurer un minimum de liberté et surtout la sécurité. C'est à peu près ça. L'État doit assurer la sécurité évidemment de ses citoyens. C'est le béaba. C'est si jamais il assure plus la sécurité de ses citoyens, c'est même plus un État. C'est un État failli. De toute façon, on ne voit pas dans un État, on va dire, qui se respecte. un peuple qui assure entre guillemets lui-même sa sécurité. Normalement, on s'en remet toujours à l'armée, la police. Sinon, c'est les milices. Et bon, pas que je veux faire de clichés ou quoi, mais dans certains pays d'Afrique, bon, on voit ce que ça donne. C'est la loi du plus fort. Et la justice qui doit être impartiale également, donc qui doit être plutôt gérée par l'État. Mais sinon, tout le reste, non. Ce n'est pas à l'État de diriger la vie totale, entière de ses citoyens. Ça, c'est typiquement républicain. Mmh. D'accord. Est-ce que d'autres personnes peuvent nous dire ce qu'elles attendent, elles, de l'État? Oui, vas-y. Pour moi, un État, je vais rejoindre à peu près les propos de Matt. Un État doit protéger les citoyens, donc point de vue sécurité, monétaire, territorial, ça c'est les prérogatives, et la défense, ce sont les quatre prérogatives qu'un État doit faire pour son peuple. Pour moi, c'est les quatre choses qui sont vraiment très importantes par rapport à ça. Après, point de vue monarchie, pour moi, la monarchie actuelle, elle n'est pas viable totalement. Mais il faut déjà qu'on puisse redresser le pays via l'État, point de vue monétaire, et après on verra. Mais pour l'instant, une monarchie n'est pas viable. D'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, une monarchie qui adviendrait aujourd'hui n'aurait pas grand sens. N'aurait pas grand sens parce que le roi récolterait quoi? Les fruits de la République, ce serait, pour moi, ce serait, il serait même pas respecté. Il serait même pas respecté aujourd'hui. Donc ça n'aurait aucun sens. Pour que un roi puisse s'asseoir sur le trône, il faudrait qu'il y ait un peuple qui soit uni, déjà. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a même plus de nation. La nation, c'est donc une communauté de destin, etc. Bref, on ne va pas revenir sur les définitions, mais je suis désolé, aujourd'hui, il y a plusieurs peuples. Il y a des gens qui ne vont pas du tout dans le même sens. Comment voulez-vous qu'un roi puisse unir tout ça? Le roi ne serait même pas respecté. Donc, il est clair que voilà, le rétablissement de la monarchie n'est pas pour demain matin. Mais il n'empêche que oui, pour la France, si jamais on considère que le peuple français... Oui, la monarchie est ce qui convient le mieux. Mais aujourd'hui, je suis pas du tout en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Au contraire, et on a l'exemple. Je pensais à ce qui est devant nous, ce qui est Poutine. Alors, on va évidemment mettre de côté les griefs. C'est pas de la poutinolatrie ou quoi. Mais je constate que c'est un homme qui a réussi à lier deux parties de la Russie qui étaient irréconciliables et que d'ailleurs on pourrait se mettre en miroir aussi un peu justement sur ce débat la France et la monarchie, la République, puisque chez eux, on va dire, entre la monarchie, on va dire, représentée par le passé tsariste et l'orthodoxie, et le communisme qui se veut justement précisément anti-clérical, anti-orthodoxe et anti-monarchie vraiment par essence. Et Poutine a réussi à lier les deux, à réconcilier les deux Russies, à réconcilier en prenant, on va dire, le meilleur des deux. Peut-être bien que c'est vrai qu'en France, mais l'homme providentiel qui réussira le pari fou de prendre le meilleur des deux aussi. Alors c'est intéressant parce que c'est le monde dont je suis un peu issu par mes origines. C'est pas étonnant parce que le monde slave, en tout cas tel que je l'ai connu, le monde slave a toujours eu quelque part plus l'habitude dans le monde moderne que nous, Français, de se tourner vers des hommes forts. On peut pas. C'est le froid qui fait ça. On peut pas simplifier comme ça, mais bon, admettons. Mais ce que je veux dire, c'est que Macron, enfin, je dis une banalité, mais Macron en Russie, c'est pas possible. Et puis, par rapport à ce que tu disais, Topa, oui, par rapport à la réconciliation des histoires, c'est très intéressant. Mais ce que je dirais, c'est que à la Russie, de ce que je connais des Russes, j'ai beaucoup d'amis russes, ces gens-là, contrairement à nous, les Russes, qu'ils soient plutôt d'obédience communiste ou plutôt tsariste, peu importe, ils assument leur histoire, dans leur entièreté. Alors que nous, Français, on a tendance à prendre les bouts de l'histoire qui nous plaisent. Et à l'école, bon, pareil, je n'apprends rien à personne. On nous apprend celle, on nous apprend ce qui intéresse. Et d'autres pans, on nous les apprend, mais on nous dit que c'est le mal. Donc je pense que c'est juste la petite différence que je voulais faire entre les occidentaux et les... Juste une toute petite chose. Faut quand même pas oublier que la Russie, avec la révolution de 1917, ils ont connu des atrocités pendant jusqu'en 1991. Donc, on ne peut pas dire non plus que la Russie, pendant toute cette période-là, était exemplaire au point de vue des mœurs, au point de vue de tout ce que vous voulez. Au contraire, même bien au contraire. Donc on peut pas non plus idéaliser la Russie ou même le peuple russe en disant « le peuple russe a été formidable, etc. » Non, le peuple russe a complètement adhéré au soviétisme. Complètement. Et il y en a même encore aujourd'hui, même des jeunes. J'en connais même un qui a 35 ans aujourd'hui et qui est encore nostalgique du soviétisme. Tout simplement parce que à l'époque, ils avaient encore plus de grandeur, etc., etc. Et en fin de compte, voilà, c'est pour ça que même aujourd'hui en France, il y a encore des bonapartistes. Tout simplement parce que Bonaparte, c'est la grandeur, etc. Mais pour moi, tout ça, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. C'est... Exactement la même chose. Justement, et c'est, tu vois, dans pourquoi il y a... Et pourquoi, justement, il y a... Parce que, justement, ce déchirement, tu vois, du communisme, on ne peut pas refaire l'histoire de la Russie, mais... On sait très bien que, tu sais, la Russie des Tsars, c'était un monde moyenâgeux. Il y avait aussi une oligarchie avec des serfs et tu vois, des gens qui étaient en état d'extrême pauvreté, tandis que le reste de l'Europe, lui, était en pleine évolution. Donc voilà, et le communisme, évidemment, il y a des pays, il y a un pays d'ailleurs qui est assez éloquent, c'est la Transnistrie, hein, qui est une petite ancienne république soviétique, qui a conservé, en fait, on va dire, entre guillemets, le meilleur du communisme. C'est-à-dire qu'ils ont gardé tout le volet social, etc., très développé, puis ils ont jeté à la poubelle, évidemment, le volet très répressif. Et évidemment que le communisme a apporté à certains Russes, et que, bien sûr, énormément de Russes l'ont porté. Et c'est pour ça que je donne l'exemple de ce Poutine qui a réconcilié, justement, ces deux nations, puisque lui-même, Poutine... était aussi, n'est pas non plus le, justement, il a cette nostalgie du communisme, on l'a bien compris sur certaines choses. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on ne peut pas dire que le peuple russe soit, entre guillemets, supérieur au peuple français parce que lui, il est capable de résurgence, de etc. Non, le peuple russe a complètement bouffé le communisme, l'athéisme d'État, etc. Il a tout bouffé, tout bouffé. Mais nous aussi, c'est juste... Ah, oui, nous... C'est une comparaison, c'est pas un point de valeur que je fais. Hein, non, bien sûr, c'est une simple comparaison de démontrer que, si tu veux, par analogie, c'est-à-dire pour justement mettre en miroir deux situations qui peuvent être analogues, même si c'est pas identiquement les mêmes. Pour autant, on sait que ironie de l'histoire, la révolution russe s'est inspirée de la révolution française, donc c'est pas... Exact, absolument. Donc, absolument. Voilà, c'est quand même éloquent, quoi, comme exemple. Absolument. Et donc, voilà, je remarque que Poutine a allié il a pas établi le côté tsariste, mais c'est un tsar, voilà. Et, dans la représentation symbolique, c'est ça que je veux dire. Et les Russes aiment ça, et il a réconcilié, en fait, justement, ces deux Russies. C'est-à-dire qu'il a pas, il a remis la Russie, l'Église orthodoxe à son rang, et en même temps, il a gardé le symbole de l'armée rouge, il a gardé l'hymne, il a gardé le machin, et c'est très bien, tu vois, il a compris ce truc-là. Donc c'est... Très bien, mais il n'empêche que il a fallu que la Russie tombe extrêmement bas. Extrêmement bas avant de pouvoir restaurer quelque chose de correct avec Poutine. C'est vrai, il a fallu qu'il tombe totalement. Chuter, personnellement, je trouve qu'on est en train de chuter, mais bon, mais après, je dis pas qu'on va machin, mais on est quand même en train de chuter. Quoi. Attends, on ne peut pas dire que la France aujourd'hui en 2018 soit au même stade que la Russie dans les années 80. Non, évidemment, on part pas du même stade non plus. C'est vrai. Non, mais ça, tu sais que moi, quand je te dis ça, je fais des projections maintenant à ce qu'on a pour appeler moyen terme. C'est-à-dire quand je vois une situation à quel point elle a pu se dégrader et évoluer dans un certain sens sur une vingtaine d'années, j'ose me projeter sur les 20 prochaines. Mais la marge. Et à ce moment-là, je peux être effectivement d'un pessimisme, en tout cas sur la marge de dégradation que peut encore subir la France est énorme. Mais énorme. Pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, en tout cas, je pense que si, comme le disait Topa, Poutine a réussi ce tour de force, c'est parce que, pour réutiliser ton argument, Matt, très pertinent, c'est que en Russie, contrairement en France, peu importe les obéissances politiques, il n'y a pas plusieurs peuples dans le pays. Les Russes, tout comme les Slaves en général, généralement, la conscience d'appartenir à un peuple. Je pense que le rare cas de plusieurs peuples, on sait tous très bien comment ça tournait en Europe de l'Est, ou plutôt centrale, c'est la Yougoslavie. Il y a l'UBHL qui est venu, hein, faut pas oublier. Oui, non, mais puis moi, par contre, j'ai quand même un respect pour les Russes parce que ils ont pas honte de leur passé, contrairement à nous, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Matt. Il y a 50 ans, mes parents, mes grands-parents n'avaient pas honte de leur passé. Mais absolument, mais la honte, la honte de notre passé, il a été enseigné à partir depuis quand, en fait? Fernand Nathan. Il y a 20 ans? Fernand Nathan. Oui, non, mais ok, mais. Ça remonte à il y a quoi? Environ 20 ans? Il y a un truc qu'il faut, en fait, je pense qu'il faut qu'on sorte plein de trucs de la tête. C'est ça. Quand tu as un pays comme la France, qui est au-dessus de beaucoup d'autres, qui a été, peut-être moins maintenant, au-dessus des autres, et qui a un passé difficile, et je parle pas que de la Seconde Guerre mondiale, la France, c'est une histoire extrêmement complexe, issue dans un des rares pays géographiques qui a autant de climats différents, avec autant d'ethnies différentes. Donc, quoi qu'on en pense, elle a eu la monarchie, elle a eu Jeanne d'Arc, ce que vous voulez, elle a eu la République, elle a eu ce truc qu'on appelle la Constitution des droits de l'homme, ok? Quelle horreur. Donc, ça fait, oui, mais après on en pense ce qu'on veut, sur le papier c'est bien, mais ça fait que c'est un pays que si demain il y a un connard qui te démonte la tête, bah tu vas pas lui démonter la tête, tu vas lui dire, tu vas essayer de le calmer, tu vas lui dire, je sais que ce que tu fais c'est pas bien, et je vais essayer de te l'expliquer, et ça donne la France, tu vois. Non, mais n'importe quoi. Et bien sûr que si. N'importe quoi. Alors là, je suis pas sûr de bien comprendre ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est par rapport au passé de la France. Depuis justement la République, excuse-moi pour la voix encore une fois, depuis la République, cette idée de liberté, égalité, fraternité, c'est bien sur le papier. Mais dans la réalité, ça se confronte à des choses très dures. Liberté, égalité, c'est très bien. C'est la philosophie des Lumières, c'est l'anti-France même. Absolument. Je pense pas que ce soit l'anti-France. Mais c'est l'anti-catholicisme, mais pas l'anti-France. La liberté avec un grand L. Attends, Matt, juste Abdel qui voulait parler. Ouais. Puisqu'on parle de catholicisme, moi je voudrais aborder un angle sur lequel on n'a pas abordé le sujet, c'est-à-dire que la pierre angulaire de tout ça, c'est la révolution. La révolution, c'est quoi? C'est le renversement, c'est-à-dire qu'on met en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui devrait être en haut. C'est-à-dire qu'on enlève Dieu, et à la place on met l'homme, fait roi, et Dieu à sa place. La France, c'est le baptême de Clovis, c'est le roi reconnu par l'Église. La révolution et l'apparition de la République, c'est la philosophie des Lumières, c'est l'anti-France, c'est la perte de notre souveraineté, c'est liberté, égalité, fraternité, et c'est la Constitution avec le très joli symbole maçonnique tout en haut de la Constitution. Moi, je voudrais poser la question, est-ce que le nœud du débat, au final, se trouve pas aussi dans la religion, c'est-à-dire à partir du moment où on a cessé d'être chrétien, catholique, très très pratiquant et très croyant, pour partir vers une espèce de philosophie des Lumières anti-catholique, au final, ouais. Et qu'il n'y a pas un lien entre le fait que si la monarchie est aujourd'hui peut-être désuète, c'est peut-être aussi parce qu'on s'est détaché de nos racines chrétiennes et catholiques. Exactement, c'était une question que je voulais poser, ça. Absolument, mais là il y a un petit peu tout là dans ce que tu dis. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de retourner d'abord à déringardiser la croyance et la religion pour pouvoir, je me mets dans la position du royaliste, pouvoir faire revenir un roi, une monarchie, une reine. Déjà à la base, il faut se poser la question, comment se fait-il que la monarchie soit tombée? Comment se fait-il que la République soit comment se fait-il que la République soit parvenue à prendre le pouvoir en France? Ça, c'est une vraie question. Et évidemment, la réponse est que les nobles avaient de moins en moins de capital, de capacité financière, et que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie ou la moyenne ou la petite bourgeoisie avait de plus en plus de pouvoir financier que les nobles n'avaient pas, et qu'ils étaient sous la monarchie contraints d'être uniquement limités au commerce. Ils n'avaient aucun rôle politique. La monarchie empêchait les bourgeois d'avoir un rôle politique dans l'État. Et c'est ça, justement, qui a créé la révolution. Il est là, le problème. Enfin, le problème. L'histoire. L'histoire, elle est là. Et c'est pour ça qu'il y a eu la révolution. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs la révolution de 1789 une révolution bourgeoise. Parce que c'est une révolution bourgeoise. C'est la révolution de l'argent. C'est on a l'argent, on t'emmerde. Va te faire foutre. Tu es qui pour nous dire quoi faire alors que toi, t'as pas de thunes? En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et on le voit encore, on le constate encore aujourd'hui. À partir du moment où tu as de l'argent, tu peux tout faire. Tu as des mœurs de merde. Tu as une morale de merde, une éthique de merde. Mais t'as de l'argent, c'est pas grave, c'est bon. Dis-nous ce qu'on doit faire. C'est ça la République. Ouais, alors c'est vrai qu'on... C'est normal. C'est la monarchie constitutionnelle. Je crois que c'est ça le principe de la monarchie constitutionnelle. Bah, moi, pour moi, la démocratie, elle est possible, et je crois que c'est Matt qui avait dit ça, au niveau, on va dire, des communes, quoi. Mais pour tout ce qui est régalien, je suis d'accord, ça serait vrai absolument. De décider ça. Absolument. Parce que je suis désolée, le peuple, hein, qui est capable de donner, je sais pas, le PIB de la France actuellement, enfin, tu demandes ça à plein de Français, ils savent même pas. C'est pas à eux de décider comment on va s'en sortir économiquement. Absolument. Comme je dis souvent, on ne va pas demander conseil à la caissière de Franprix sur des politiques économiques. Elle n'y connaît rien, la pauvrette. Ça n'a pas de sens. Je suis qu'à moitié d'accord, parce que c'est pas entièrement faux, mais dans ce cas, ça reviendrait à dire aux Suisses, finalement, votre référendum d'initiative populaire, c'est débile. Vous demandez à vos caissiers, à vos chauffeurs routiers de voter des lois. Les caissiers d'aujourd'hui, c'est pas les caissiers d'il y a 20 ans. Vraiment, il y a Internet. Il y a moyen de se... Oui, mais t'as des cadres qui connaissent même pas le génocide vendéen, qui savaient pas ce que c'est réellement la République. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais soyons sérieux. C'est pas une question de débilité de populaire ou quoi. Enfin, après, je vous prête pas de mots. Je résume. Et c'est une question qu'on nous a désinformé. Ça va dans tous les sens, l'histoire, l'enseignement, tout ça. Donc, c'est pas qu'ils peuvent pas comprendre, c'est qu'ils ont pas les outils pour comprendre. Ils ont jamais été formés sur la question. Pourquoi veux-tu interroger des gens sur un domaine où ils n'y connaissent rien? Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Par contre, effectivement, on peut faire des référendums, même d'initiatives populaires, mais bon, bref, des référendums sur des questions sociétales, comme par exemple le mariage pour tous. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un mariage pour les homosexuels? Oui ou non? Ça, tout le monde peut donner son avis. Oui, bien sûr. Est-ce que vous souhaitez que la France sorte de l'Union européenne? Oui, ça, tout le monde peut voter. Est-ce que vous souhaitez l'arrêt de l'immigration? Tout le monde peut voter. Mais est-ce que vous souhaitez, je sais pas moi, une question hyper précise sur de la fiscalité, etc.? Non, tout le monde ne peut pas répondre. Même sur des questions de politique étrangère. Enfin, et puis, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas envie de s'y intéresser aussi. Bien sûr, c'est pour ça que c'est normal. Effectivement, bon, j'essaie de décrypter un petit peu. En gros, effectivement, tu as les médias qui vont rabâcher sans cesse un point de vue unique, unique. C'est ça qui est quand même assez intéressant, qui rappelle d'ailleurs un petit peu le soviétisme. Hein, il rabâche un point de vue unique, et si jamais tu n'as pas ce point de vue-là, en société, tu es considéré comme... comme un chasseur. On va recentrer, s'il vous plaît. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut revenir sur la question dans tous les cas, je vous souhaite bonne nuit. Je dois y aller. Merci à toi aussi. On parle de la France et c'est évidemment normal. C'est normal. Maintenant, quand on pose la question république et monarchie, on s'interroge sur des modèles, des régimes. D'État, enfin, des régimes politiques, et c'est loin d'être cantonné à la France. Et notamment, on parle de la révolution, des révolutions à ce niveau-là contre les systèmes monarchiques qu'il y en a eu à travers le monde. Il y en a pas eu qu'en France. Effectivement, ce qui s'est passé en Europe entre le 17e et le 18e siècle, ça a énorme influence et c'est un peu la base de ce qui a pu se passer derrière. Mais après, et ça allait toucher des pays dans le monde entier. Bah, par exemple, en Amérique du Sud, pour ne nommer que cette région. Mais encore une fois, moi, pour recentrer, je veux juste vous redemander en quoi vous considérez soit que le royalisme, enfin que la monarchie plutôt, pour utiliser les bons termes, soit que la monarchie, soit que la démocratie ou la république est plus efficace dans la fonction de maintenir l'ordre et garantir les libertés au peuple. Moi, j'ai envie de quand même prendre un argument un petit peu républicain. Je suis pas, hein, je suis un peu l'avocat du diable. C'est qu'au bout d'un moment, quelqu'un me demandait tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il y a eu, c'est une question intéressante, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces révolutions? Pourquoi est-ce que les foules et un grand nombre de personnes se sont révoltées, en fait, contre le système monarchique? Déjà, c'est faux. Alors, on peut discuter de ça maintenant. Non, c'est totalement faux. Matt, si tu permets. Ouais, alors tu vas changer de ton aussi, Matt, si tu veux bien. Changer de ton, merci. D'accord. Voilà. Okay. Non, tu peux changer de ton, on peut rester dans le calme. Ce que j'utilise un argument des républicains, d'accord? Je présente un argument des républicains qui est celui de dire que oui, les peuples et les foules et les masses se sont révoltés contre la monarchie. Pourquoi? Parce que ça devenait un système aussi oligarchique, aussi qu'on peut connaître aujourd'hui, à savoir des réseaux, des familles, des clans, en fait, qui s'arrangeaient le maintien, en fait, du pouvoir absolu sur tout le peuple. Donc c'était un peu ça l'argument qui mène avant. Oui, donc. Oui, parce que actuellement, sous la République, on est face à cette oligarchie. Hein. Donc, enfin. Il n'y a pas d'arbitre. Bah, c'est celui qui a le plus de pognon, c'est les lobbies, c'est eux qui décident actuellement. Donc c'est la même chose, en fait. Aujourd'hui, faut pas oublier que des gens de l'époque critiquaient, quoi. Oui, alors après, il faut dire qu'aussi, pour la Ve République, on sait tous que De Gaulle avait des penchants monarchistes et qu'il a réfléchi de cette manière. Enfin, j'aime pas Mélenchon, mais quand il dit c'est une république monarchique, il a pas totalement tort par rapport à son fonctionnement. Maintenant, l'idéologie derrière n'est pas la même. Ça dépend pour moi avec quel roi et quel type de monarchie on se retrouve sur qu'est-ce qui est plus efficace ou pas. Par exemple, on n'avait pas, à l'époque de la Renaissance, du peu que je sais, certes, il y avait une monarchie qui ne fonctionnait déjà plus comme la nôtre en Angleterre, mais déjà l'Angleterre qui était pétrie, on parlait déjà un peu de ça tout à l'heure, du fond religieux de la chose. L'Angleterre qui était pétrie de fonds protestants, d'ailleurs qui a dangereusement teint sur l'idéologie révolutionnaire pour en dire qu'il n'a pas totalement pétri. L'Angleterre, bien que sous une monarchie, était beaucoup en proie déjà au libéralisme. Alors que nous, je pense beaucoup moins. C'est tout ce que je voulais dire sur ça. Bah, ça c'est justement ça pour le côté, l'argument plutôt justement côté monarchiste, c'est une, en fait la république aujourd'hui ou la démocratie ou peu importe quel régime un peu comme ça constitutionnel, c'est en fait ce qui lui est reproché, c'est la façon dont avec ruse en fait on peut parvenir à manipuler un peu tout le monde, en fait toute la foule, tout le peuple, pour se maintenir au pouvoir, parvenir au pouvoir, chose que il y aurait effectivement peut-être pas dans le modèle monarchique, quoi. Bah oui, c'est le fait que on a une place, la place du président qui donne autant de pouvoir et qui est accessible à tous entre guillemets, c'est toujours le plus vicieux qui va réussir à avoir cette place et pas celui qui pense au bien commun. C'est vrai que c'est cet argument, quoi. Il est vrai, bien sûr, qu'on peut se poser la question de comment une personne va pouvoir arriver au statut de président de la République. C'est quand même aussi assez intéressant. Comment va-t-il faire? Comment va-t-il procéder? Il va devoir pratiquement tout abandonner, toutes ses convictions, etc., pour arriver le plus possible dans le courant majoritaire. En gros, il n'aura plus de convictions. Il sera vraiment dans le grand bassin, vous voyez. Et à partir de là, il va falloir qu'il soigne son discours, qu'il soigne sa prise de parole, etc. Bref, le gars, il a même plus de conviction. En fin de compte, tout ce qu'il veut, c'est arriver au pouvoir. Arriver au pouvoir. Une fois qu'il est au pouvoir, bon, voilà, il va faire 10% de son programme et puis les Français vont s'en satisfaire. Mais en fin de compte, voilà, c'est ça. C'est uniquement des gens qui sont hyper ambitieux. Mmh. Mais... Je dirais que la différence, c'est que entre, par exemple, un énarque, donc en bonne partie ceux qui sont promis au pouvoir sous la République, on leur apprend durant le cursus à gérer. Alors que l'argument que je pourrais donner en faveur du royalisme, c'est que, en principe, j'imagine, quand les choses sont bien faites, un héritier, durant son enfance, non seulement on lui apprend à gérer, mais quelque part, on le... J'utilise un mot qui est péjoratif. Oui, préparer, parce que j'allais dire formater, mais ouais, je préfère préparer. On le prépare, mais même idéologiquement, à servir son pays. Je pense que voilà, c'est l'argument qu'on peut donner au royalisme. Alors ça, c'est dans le cas d'une monarchie dynastique, parce qu'il y a ça aussi à se demander. Est-ce que c'est mieux qu'on soit sous une monarchie dynastique ou pas? La question se pose pas vraiment, en fait. Oui, bah pour moi c'est le cas, mais je sais qu'il y a des personnes qui voudraient un roi, mais pas forcément sous une dynastie, qui préfèrent quand c'est les nobles qui choisissent, comme c'était au tout début, quoi. Et il existe une monarchie modérée, ça existe? Ouais, c'est pas que Hollande, c'est les gens qui ont du pognon, quoi. Il a eu accès à toute la télé, c'est Drahi, c'est tout ça, quoi. Donc forcément, c'est en plus, c'est même pas spécialement dans son intérêt à lui, parce qu'il gagne plus de pognon. C'est ça. Ben oui, mais c'est ça. Et du coup, il est en fait, il est même pas dans son intérêt à lui. Il est dans l'intérêt de ceux qui l'ont mis à cette place. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Il est dans l'intérêt de Rothschild, de cette oligarchie, quoi, comme on dit. Enfin, c'est du coup surtout en aucun cas dans l'intérêt du peuple français, quoi. Alors, il y a autre chose sur la République. Encore un autre argument porté par les Républicains. Pour beaucoup, là, on a l'impression, à vous entendre, que la République, c'est un concept qui est né en 1789. Alors que justement, beaucoup des républicains de la première heure, on va dire, de cette époque-là, justement, se réclamaient de la république entre guillemets authentique et antique. Ouais, bah, c'est peut-être faux. C'est faux. C'est... Non, mais c'est faux à l'assaut. Des républicains qui se réclament de la république romaine ou grecque, il y en a combien? 1%, même pas. D'accord. 0,1%. Aujourd'hui, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, le concept. Il se revendique exclusivement de la République française. Excusez-moi. Quoi qu'il en soit, le concept de l'alternative à la monarchie, il existait bien avant. C'est peut-être aussi ça qu'il voulait dire. Le concept, s'entend. Non, parce que moi, ce que je, parce que là, on parle bien de concept, on parle bien de régime, et on n'est pas forcément dans l'application ou ce qu'on en a fait, ou même dans l'idéalisme de ces régimes. Simplement, historiquement, c'est vrai que parmi ceux qui ont fait avancer l'idée de république dans ce fameux siècle des Lumières, c'est souvent, en appelant de leur vœu, des républiques antiques. Voilà, c'est Athènes, Sparte, etc., etc. Donc, voilà, est-ce que dans un idéal, c'est pas un système aussi peut-être souhaitable qu'une monarchie bien faite, enfin bien pensée, une monarchie modérée peut-être pour certains. Mais en quoi en fait le système républicain est aussi à honnir ou à repousser ça je l'avoue que là j'entends pas vraiment d'arguments hyper convaincants contre le système républicain. Mais la république aujourd'hui c'est quoi? C'est la démocratie. Ce sont des synonymes. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, oui, c'est une forme de démocratie. C'est ce que j'allais dire. C'est démocratie représentative. La démocratie aujourd'hui, ce n'est pas simplement un système. C'est bien plus que cela. La République aujourd'hui, c'est pareil. Ce n'est pas un système, c'est bien plus que cela. C'est avant tout une idéologie. C'est avant tout les droits de l'homme. C'est avant tout l'interdiction de la peine de mort. C'est avant tout la protection des minorités, comme le droit aux homosexuels, etc. Non, ça, c'est ça depuis 70, quoi. C'est pas la Troisième République. Je crois pas qu'ils auraient été... Pour les homosexuels, ok. Oui. Non, mais ça, d'accord. Ok. Bon, bref. C'est avant tout cela. Bah attends, c'est intéressant ce que dit Saboulou. C'est vrai que d'ailleurs juste après, enfin les premiers temps de la République, c'était beaucoup plus proche de la monarchie que la République qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, évidemment. Mais aujourd'hui, on en connaît ce qui nous intéresse quand même, c'est le présent. Aujourd'hui, on en connaît l'aboutissement. Oui. Je pense que ce que Matt veut dire, c'est qu'on a volontairement amalgamé, et ça je serais d'accord avec ça, effectivement, démocratie et république, effectivement, avec le prisme de cette idéologie des droits de l'homme qui catalyse cette chose-là. Je pense bien que sûr. C'est ça. Mais ce qui est quand même assez amusant, c'est que ni république, ni démocratie ne veulent dire ce que la plupart des gens en comprennent. Oui, ben d'ailleurs, moi, tu vois, par exemple, quand tu dis c'est la démocratie, moi, je préférais une république où il y a une réelle démocratie, parce qu'on aurait déjà nos frontières, enfin, ce serait moins la merde qu'avec cette démocratie représentative. Mais encore une fois, on ne parle pas de la vraie démocratie, on ne parle pas de la vraie république. C'est de l'incantation, souvent. C'est de l'incantation. On se souvient de Manuel Valls, c'est ses valeurs de la république. On sait toujours pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Ben si, on le sait. Bien sûr que si, on le sait. C'est clairement la République de 89. Bien sûr que si, on sait. On sait très bien qu'est-ce que c'est que les Lumières. On sait très bien quelle est leur idéologie. On sait très bien ce que c'est. Nous, oui. Et eux aussi. Mais le coup d'âme moyen, quand il entend ça, je suis pas sûr que ça lui parle, quoi. Je suis d'accord avec toi. Tout comme le coup d'âme moyen ne sait pas que la démocratie est une idéologie. Pour lui, la démocratie, c'est le peuple qui vote, etc. Ça s'arrête là. Mais non, c'est pas ça. Alors, je reprends pour continuer. Il y a un autre argument. Je vais faire que ça, je pense, hein, vous soumettre des arguments républicains parce que il y a besoin de. Je suis d'accord avec toi, Alessio. Tu sais quoi, tu synchronicité. J'allais dire, bon, je vais faire l'avocat du diable parce que finalement, avec des royalistes, bon, on va foutre la merde un peu. Allez. Il faut savoir qu'on reproche souvent qu'il y a trop de gens qui sont du même avis. Alors comme là, pour le coup, on se retrouve avec une bande de royalistes. Alors moi, je vais faire le républicain de fils, je vous le dis, pour foutre la merde. Mais ouais, parce que c'est ça. Et encore une fois, c'est pas mes opinions personnelles, mais juste pour relancer le débat. Qu'est-ce qu'il adviendrait? Parce que, alors, les républicains, ils défendent le système. Bon, république, démocratie, c'est vrai que malheureusement, ou peu importe, en tout cas, de fait, aujourd'hui, c'est quasiment synonyme. Et donc, dans le système dans lequel on est, les républicains défendent le fait que par ce que j'appelais tout à l'heure la ruse, enfin, toute la stratégie politique mise en place par ces gens qui veulent se faire élire, devenir président de la République, etc., par ce biais-là, en fait, le fait de d'appliquer cette stratégie-là, ça leur demande quoi? Ça leur demande beaucoup déjà de connaissances. Enfin, en tout cas, c'est souvent on voit que c'est des gens qui sortent de grandes écoles, etc. Donc, a priori, même si évidemment on sait très bien que la moitié ou plus que ça, ils ont l'air en tout cas complètement stupides et dépassés par ce qu'ils font. Mais n'empêche, sur le principe, ce sont supposés être des gens calés, en tout cas, dans les domaines de l'administration publique, etc. Donc, par ce biais-là, on assure en fait le fait que le représentant de la nation soit quelqu'un de savant, en fait, voilà, qui connaisse son sujet. Qu'est-ce qu'il adviendrait dans un régime monarchique d'un état où l'héritier donc du trône soit quelqu'un parfaitement stupide et qui n'ait pas cette éducation parce que c'est arrivé hein, par le passé hein, qu'il est souverain ouais. Voilà, effectivement c'est déjà arrivé, mais il n'empêche que le roi n'est pas seul, tout comme le président de la République n'est pas seul, donc quelque part on s'en fout. Ouais. Oui, puis en plus, il est. Le roi n'est pas seul à l'assaut. Le roi, il n'est pas tout seul. Il a des conseillers autour de lui. Encore une fois, voilà. C'est pas comme si il était tout seul. Il prenait toutes les décisions tout seul. Ça n'a aucun sens. Alors, attends, aucun roi ne ferait ça. Dans la même veine, il y a autre chose qui caractérise la République ou la démocratie. C'est au niveau, encore une fois, du libéralisme et donc des libertés qui permettent, par exemple, mais encore une fois, je parle de concept, on va pas me dire que oui, c'est pas le cas aujourd'hui, machin. C'est juste sur le papier, sur le concept, la République, la démocratie, le libéralisme qui va avec, permet, par exemple, à la presse d'informer le peuple, aux médias, en tout cas, de généraliser un petit peu au sein du peuple ces connaissances-là, ce qui dans un régime monarchique a priori est pas faisable. Et donc si on se retrouve, c'est pas l'idée. Tu me diras si le libéralisme va de pair avec la monarchie, ça se défend peut-être. Hein, Non, mais attends. Là, on est un petit peu en train de tout mélanger. Là. Je vois pas en quoi. Vas-y. Je vois pas en quoi, sous une monarchie, il ne pourrait pas y avoir des médias qui matraquent des messages, etc. Je comprends pas trop, en fait. Oui. C'est un peu contradictoire. Tu ne peux pas vouloir d'une monarchie. Pour moi, la monarchie, ce qui est vraiment important pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que tu disais, Matt, on s'en fout que le roi soit incompétent parce qu'il a des conseillers. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est-à-dire que même dans les monarchies, si tu regardes par le passé, on s'en est jamais réellement foutu. Quelqu'un qui était destiné à devenir roi à la place de son père, on le formait. Les gens le formaient, donc on s'en foutait. Évidemment, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il y a un roi qui est légitime, qui se retrouve à devoir prendre position sur le trône et qu'il n'est pas extrêmement brillant, eh bien, malgré tout, c'est le roi. Oui, parce qu'il va faire figure de leader et il est censé fédérer les peuples et les gens derrière lui. Et il est arrivé, effectivement, de par l'histoire, que certains rois, déjà, il y en avait certains qui n'avaient pas l'âge, hein, qui étaient trop jeunes, etc. Bon, ça, il y en a eu pas mal. Il y a des régents. Mais il y en a eu aussi certains qui étaient, par exemple, pas très courageux, hein, ou d'autres qui n'étaient pas très intelligents. Il y en a eu. Voilà, ce que je vous dis, ça peut arriver. Mais il n'empêche que c'était le roi et ils étaient entourés, donc malgré tout, ça tenait. Mais du coup, tu ne peux pas avoir des médias qui matraquent le roi. À l'époque du roi, il y avait des bouffons, d'accord, mais il n'y avait que ça. Si les médias s'amusent à saper l'autorité du roi, comment est-ce qu'on peut imposer une figure emblématique comme le roi? C'est pas possible. Non, mais évidemment que les médias, dans tous les cas, même si jamais il y avait un président de la République qui était nationaliste, etc., t'inquiète pas que les médias, ils seraient muselés. Ce serait évidemment la même chose sous une monarchie, dans le sens où, si toutefois les médias étaient anti-monarchistes, il se ferait dégager, ça n'a pas de sens. Non, alors on est d'accord. Là, je parlais, j'ai mentionné cet exemple de la presse et des médias pour parler du libéralisme en fait, qui selon moi en tout cas caractérise un peu plus la république ou la démocratie que la monarchie. Mais il y a peut-être d'autres exemples. Par exemple, l'autre gros exemple, je pense, important, c'est celui du droit à la propriété, enfin, le droit de propriété. Sous le régime monarchique, je crois que c'est quelque chose qui est réservé à la noblesse. Et donc le petit peuple, donc il y a plein de ces petits droits en fait ou ces petites libertés individuelles qui je fais mon avocat du diable pour défendre les bienfaits du gouvernement républicain s'il y en a, mais est-ce qu'il n'y a pas des manques en fait de liberté sur lesquels personne ici pourrait revenir en fait? Pardon. Il ne s'agit pas de faire une monarchie comme avant. Il faut faire une monarchie du XXIe siècle. Absolument. À tout niveau, il faut la repenser en gardant ses prérogatives d'origine. La monarchie, c'est le pragmatisme. La République, elle, c'est l'idéalisme. Liberté, égalité, fraternité. Absolument. L'idéalisme, c'est un but à atteindre qui n'évoque rien en réalité. La République se renouvelle constamment. La République se cherche. Et c'est pour ça que aujourd'hui il y a autant de gauchistes. Le gauchiste, c'est l'idéaliste, parce que on lui fait lire des choses inatteignables et qu'il n'y a aucun pragmatisme, aucune confrontation avec le réel, quoi. Non, mais attends, t'es en train de parler d'idéalisme, là. Enfin, c'est un mot déjà qui est un peu impropre. Et ensuite, enfin, sur le fait que ça serait uniquement pragmatique, la monarchie, lorsque, justement, la religion, qui est quand même, vraiment le pendant, quand même, de la monarchie, quand tu penses juste à ce que c'est tout le contraire du pragmatisme. C'est presque, enfin, c'est quelque chose de l'ordre de la spiritualité, pratiquement de la métaphysique, qui dépasse justement l'ordre simplement physique des choses. C'est pas pareil. Justement, ce que je suis en train d'évoquer, je dis que de dire que c'est un idéalisme, le côté républicain, c'est un simple pragmatisme, le royalisme, c'est absolument incomplet et partiel, parce que ça n'a rien de pragmatique de s'en remettre à Dieu. D'où la séparation entre l'Église et l'État au niveau de la gérance du pays, quoi. Donc, tu penses qu'il y a une monarchie qui pourrait être séparée, Église et État? Sous le roi, c'était pour les questions morales, c'était. L'Église ne rendait pas la justice, c'était la prérogative du roi. Elle a été chargée de l'éducation et de sauver les âmes du peuple. Il n'avait absolument pas les prérogatives l'un de l'autre. Hein. Ils n'étaient pas mélangés, même s'ils étaient ensemble et qu'ils avançaient ensemble. Mais pour te répondre, Walmart, je pense que le souci, quand tu poses ta question, c'est que tu ne différencies pas le concept, donc ce qu'on pourrait avoir sur le papier, et ce qui se passe dans la réalité. Quand tu dis que... pour toi, c'est pas possible d'être pragmatique avec une monarchie dans le sens où parce qu'on s'en remet à Dieu, il faut voir que dans les faits, au final, la monarchie était quand même plus pragmatique que ce qu'on connaît aujourd'hui. Même si elle s'en remet à Dieu, qui s'en remettait à Dieu? Le peuple, peut-être, mais est-ce que la monarchie vraiment s'en remettait à Dieu? On va dire que la religion était plus un outil pour la monarchie qui lui servait à fédérer les peuples. C'était surtout ça. Il faut revenir à la base des choses, là. Qu'est-ce qui fondait le pouvoir, la légitimité du pouvoir du roi, si ce n'est justement l'appel à Dieu? Mais oui, mais il s'en servait, il ne s'en remettait pas à Dieu, il se servait de ça. C'est pas la même chose. Tu tricotes un pull, là. C'est... Oui, bien sûr. Donc ça signifie bien que c'est l'autorité divine qui fondait la monarchie. Donc faut savoir de quoi on parle là-dessus. On est bien d'accord que c'est quand même une autorité divine à la base qui est la base. Je ne dis pas le contraire, mais ce que je veux te dire, c'est que la monarchie s'imposait grâce à ça. Ça, je suis d'accord, mais tu ne peux pas dire que la monarchie ne faisait que s'en remettre à moi, et qu'elle serait moins pragmatique. Je veux quand même un peu orienter différemment le débat, parce que là, vous parlez effectivement d'une monarchie à l'ancienne. Alors, c'est bien, on va s'inspirer de l'expérience. Mais puisqu'on parle d'un éventuel retour à la monarchie, ce serait intéressant de savoir comment il pourrait s'effectuer justement ce retour réel à la monarchie. Parce que là, par exemple, dans l'exemple donné, que le pouvoir effectivement du roi pouvait s'inspirer effectivement du pouvoir de Dieu, où est-ce qu'il l'incarne, etc. D'accord, mais ça vaut dans la France du XVIIIe siècle, où tout le monde était catholique et sur un même logiciel. Là, en 2018, vous savez très bien que ça n'aurait plus rien à voir. Et comment donc ce roi, moi je pose la question, parce que je pense que c'est plus tard. Ouais. Le roi peut monter sur le trône, même aujourd'hui, affirmer qu'il est catholique ou même chrétien, ou voilà, tout le monde n'est pas obligé de se convertir. Je suis désolé. Après, ça peut en tenter certains. Imposer toute la culture, parce que culture et religion, c'est les deux facettes de la même pièce. Hein. Il y a même la légitimité du pouvoir quand même. C'est quoi qui légitime le pouvoir lorsque quelqu'un a le pouvoir? Avant c'était donc Dieu, et ça c'est quand même la meilleure légitimité. Aujourd'hui c'est normalement, entre très gros guillemets, le fait que c'est le peuple et que tout le monde devrait en théorie voilà, et donc ça permet justement de pacifier les rapports, parce que les gens se disent que le rapport justement de pouvoir est quelque chose de légitime. Qu'est-ce qui viendrait légitimer quelqu'un qui est seul à avoir le pouvoir, le Kratos quoi? Qu'est-ce qui viendrait légitimer si ce n'est la religion? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est, enfin, en tout cas ici sur ce Discord, je crois qu'on est à peu près tous d'accord quand j'écoute les uns les autres pour dire que, en fait, l'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, les esprits en France ne sont pas prêts, en fait, pour une monarchie. Ce serait un régime désapprouvé, en fait. Mais bien sûr, pas prêt, c'est qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils le souhaitent pas. Moi, je dirais, c'est là pour répondre à la question de Tepa, j'aurais dit, c'est qu'il fallait que les gens soient convaincus que le système républicain constitutionnel ne fonctionne pas, que les gouvernements se heurtent à des obstacles qui se créent eux-mêmes en fait, pas à travers leur. C'est ça que je veux dire, oui, c'est ça que je veux dire. Donc c'est oui ben c'est pour ça. Je pense que les gens savent que la République ne fonctionne pas correctement. Simplement, il y a eu tellement de propagande républicaine contre la monarchie que les gens s'interdisent de penser à l'alternative monarchique. Ouais, moi je pense que quand même le fait qu'aujourd'hui la France ne soit plus chrétienne, et ça me fait mal au cœur de le dire, hein, ça joue quand même énormément. Parce que moi, pour moi, le roi, s'il doit être légitime, c'est par rapport à Dieu. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec 60% des Français qui sont athées. C'est pour ça que je pense que c'est pas demain qu'on aura un roi. Mais... Il y a ça, et il y a gros déficit de patriotisme aussi. Oui, oui. Et ça, c'est le gauchisme. Hein. Ouais. L'ethno-masochisme, pardon, malheureusement. Il y a Liès qui veut intervenir. Excusez-moi, je vais quand même retourner sur le débat que posait Patrick et reformuler éventuellement ce qu'il a dit. Moi, la question que je pose, c'est la suivante. C'est comment est-ce que, déjà, le premier roi arrive au pouvoir, mais outre ce débat, c'est après, imaginons que le roi soit arrivé au pouvoir, donc on est déjà loin, mais imaginons que le roi arrive au pouvoir, c'est grand A, comment est-ce qu'il assoit sa légitimité aux yeux du peuple? Vous parlez d'un droit divin. Ok, mais le problème du droit divin, c'est que historiquement, c'est valide, mais présentement, c'est invalide, ne serait-ce que par la population qui réside en France. Donc ça veut dire comme quoi le roi doit arriver à asseoir sa légitimité sur l'ensemble du peuple français. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je pose, si quelqu'un a la réponse, c'est comment un roi transmet son pouvoir? Est-ce que c'est un collège de grands électeurs? Ne sortez pas la tête dans la galette parce que c'est pas crédible. Est-ce que c'est un collège de grands électeurs? Si c'est un collège de grands électeurs, comment ces grands électeurs sont nommés? Est-ce qu'on peut s'inspirer? Pour moi, ma solution, mon intime conviction, on devrait s'insister du système papal. C'est-à-dire avec un système éventuellement de préférétis, donc des personnes qui sont accouchées sur le testament royal, et c'est parmi ces personnes qui doivent être choisies. Mais le problème, c'est que ça devient de moins en moins démocratique. Vous parliez de droit divin. Est-ce qu'on peut parler éventuellement de droit du peuple? Ça pourrait éventuellement faire légitimité, mais si jamais c'est un droit du peuple, comment on fait? Alors évidemment, je reste ouvert à toutes les propositions, c'est juste des propositions que je donne comme ça. Mais voilà les questions que je pose. Et après, la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'un premier roi arrive? Est-ce qu'il doit prendre le pouvoir ou est-ce qu'on doit lui donner? Et si on lui donne, qui va lui donner? Qui aurait la légitimité suffisante pour pouvoir réasseoir un roi sur le trône de France? Moi, je peux te répondre. J'ai une réponse. Bon, allez, toute seule. Allez, chacun son tour. Alors, chacun son tour. Allons-y, vas-y. Bonsoir à tout le monde. C'est la notion dans l'inconscient collectif. Tout le monde parle de l'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est du Napoléon. Ça peut être pour certains, bon, même s'il est contesté, ça peut être Clovis qui accède au trône, etc., et qui unifie tout le monde. Après, la notion de Dieu, elle est pas fondamentale. Tu as un chef de guerre en période de trouble, un chef de guerre qui sauve une partie de la France ou est-ce que je me permets d'interrompre, sur quelle base le roi est providentiel et sur quelle base il se légitime aux yeux de tout le monde? J'allais enchaîner. Donc en fait, dans une période de trouble, etc., un maître de guerre, un stratège, quelqu'un qui restabilise le pays dans une période de ce type-là, pourrait accéder à un titre de roi. Maintenant, la notion de religion, etc., on le voit avec Napoléon. Napoléon n'a pas eu besoin du pape pour devenir empereur. C'est deux choses. Pour être clair, moi je pense qu'il faut regarder le processus de la Russie. La Russie a été totalement déchristianisée, a été totalement dépatriotisée et encore. Bon bref, c'était vraiment la fin de la fin. Et petit à petit, avec Poutine notamment, donc, elle est en train de revenir. Et moi je pense, certains me diront que je me trompe, mais moi je pense que d'ici 10 ans, 20 ans, ou peut-être 30 ans, la Russie finira par remettre un tsar sur le trône. Et moi je pense que ce sera la même chose pour la France. Je pense que dans un premier temps, la France doit connaître un dirigeant nationaliste assez dur, peut-être même plus dur que Poutine, bref, et que petit à petit, il réinstaure justement certaines valeurs, etc., qui prépareront alors l'avènement du roi. Et là, à ce moment-là, ça arrivera. Non, dans 20-30 ans, on aura le califat. Ouais, puis c'est autre chose. Ouais. Puis bon, Poutine n'est pas quelqu'un de très dur, hein, je veux dire. Absolument, absolument, absolument. Après l'homme providentiel. On l'a déjà eu, hein. On a eu De Gaulle et ça n'a pas ramené. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que selon moi, ce doit être progressif. Ça ne peut pas être là, si jamais demain matin il y avait un roi. Ce serait même pas la peine. C'est tout mon propos, oui. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Et ça pourrait être, oui, le destin de la France, d'avoir, en fait, finalement, voilà, dans la fiction, justement, dans une projection, un homme qui arrive, en fait, par le système républicain et qui enracine et, on va dire, remet la France dans son rail historique. Et c'était aussi l'idée de Pétain. Point de vue religieux, parce que c'est indispensable, tu vois, sur cette question-là. C'était l'idée de Pétain. Par ce biais-là, évidemment, oui, le peuple remettra un roi au pouvoir. Moi, je vois que, voilà, c'est un scénario qui est probable. Mais un roi qui arrive, en fait, par l'assentiment aujourd'hui, sorti ex nihilo, ça me paraît très improbable. Mais c'était l'idée de Pétain, à la base. Et c'était même. Mais bien sûr, c'est cool. Et c'était même un peu l'idée de De Gaulle, en fin de compte. De Gaulle a failli. Justement, De Gaulle, il avait eu, ça m'a oublié qu'il disait ça, évidemment, que l'homme providentiel, c'était ce moment-là, oui, où il aurait pu le faire à ce moment-là. Et il l'a... Non, mais De Gaulle a pensé à mettre le comte de Paris sur une liste électorale afin qu'il se fasse élire, afin de rétablir la monarchie, parce que De Gaulle était légitimiste. Il y avait pensé, mais finalement il s'est rétracté parce qu'il avait pensé que le peuple français n'était pas prêt. Et effectivement, selon moi, il avait raison, il n'était pas prêt, le peuple français. Oui. Et encore moins aujourd'hui. Moi j'ajouterais, donc, en fait. Ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, non. Moi j'ajouterais que c'est ça, il faut que le peuple français soit réenraciné, c'est-à-dire réévangélisé aussi. Et ça me paraît pas totalement impossible. Alors ça va pas être demain, hein. Il va falloir des dizaines d'années. Mais quand tu vois qu'il y a de plus en plus de Français de souche qui se convertissent à l'islam, ça montre bien qu'ils ont cette envie de retrouver. Je pense que la formule qui résumait très bien, c'est celle d'Adrien Abosi, qui est reconquête des esprits. Oui, c'est ça. Ouais. Mais elle est en cours. Et la reconquête des esprits suivie de la reconquête des ventres. Oui. La reconquête des esprits est en cours dans tous les cas. C'est une évidence. Il y a 20 ans, il n'y avait aucun patriote, je crois. Peut-être deux, je ne sais pas. Il y en avait, mais on a du mal à en parler. Il y en avait extrêmement peu. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, surtout parmi chez les jeunes. Alors, oui, il y en a plus. Mais si tu veux, il y a certains qui se disent patriotes et qui votent Mélenchon, quoi. Donc, on n'y est pas encore. T'as des patriotes républicains. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et pour moi, c'est pas des patriotes. Moi, j'ai pas un truc comme ça. Et c'est possible de les faire aller plus loin. Mais c'est pas. Ouais, non, mais je pense que c'est un processus. Je pense que, voilà, tôt ou tard, ils finiront par retomber sur leurs pattes. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que plus on creuse ces questions-là, plus on creuse, plus on lit, plus on finit par devenir monarchiste. Moi-même, il y a encore 5 ans, j'étais pas monarchiste. Il est intéressant de constater ce soir que, tout de même, c'est Tepa et surtout à l'assaut qui doivent donner de l'eau au moulin républicain. C'est pas anodin. Non, bah, le moulin républicain, c'est le point de vue plus mainstream, tu vois, c'est pas le plus intéressant pour le débat aussi, je pense. C'est la base de beaucoup de pensées des gens. Je pense au final que ce qui ressort le plus de ce débat, c'est que les Français veulent un retour de leur souveraineté et que c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Après, que ce soit une monarchie ou une république qui amène ça, dans l'ensemble, on s'en fiche. Absolument. Si c'est une bonne république cohérente qui agit pour le bien de la France, le destin commun du peuple, on sera d'accord avec la république. Là, le problème, c'est qu'on a une république de corrompus et de... Bah oui, parce que c'est ce que j'allais poser pour justement... C'est même pas la souveraineté qu'ils recherchent. C'est la grandeur. La transcendance. Après avoir été rabaissé pendant je sais pas combien de temps, ce qu'ils veulent, c'est un peu de grandeur et exister. Ouais, mais la nouvelle génération, j'ai pas l'impression qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est son iPhone. Eux, faut convaincre pas les vieux 68ards tout pourris. Eux, ils sont terminés. Eux, c'est pas avec eux que tu vas faire l'avenir. Sans de toute façon, ils sont sur la fin. C'est les jeunes qui vont éduquer. Et il faut rendre ces idées-là cool. Ouais. Mais je pense que moi ça va venir parce que justement ces jeunes comme tu, enfin je sais plus qui c'est qui a dit ça, qui veulent juste leur iPhone, c'est le genre de jeunes qui pètent un câble du jour au lendemain pour aller à Daesh, tu vois. Donc enfin vraiment moi, enfin c'est vrai que je comprends quand il y en a qui disent ouais je suis pas sûr qu'avec ces jeunes on va y arriver. Moi je dis que si parce que en fait ils sont tellement aboutis à l'idéologie des Lumières en fait. Où seul tout ce qui compte c'est ce que moi je veux et tout ça, ils peuvent changer presque du jour au lendemain parce que tu peux pas vivre comme ça. Et c'est pas pour rien que le peuple français on est les plus dépressifs hein, parce qu'on est le plus empêtri dans cette idéologie. Hein. Je suis d'accord, mais là on part dans tous les sens. Hein. Mais je suis d'accord. Pour en mettre de l'opposition république monarchie, moi il y a quelque chose que je me posais depuis un moment, enfin du moins. Pour en discuter, c'est j'ai remarqué qu'il y a quand même une pomme de discorde entre certaines branches des patriotes, notamment De Gaulle et la Ve République, et les monarchistes. Et, moi, je me pose vraiment sincèrement la question, j'ai pas d'a priori, je prétends pas avoir la réponse, mais finalement, que peut valoir pour un monarchiste l'argument de Gaulle aurait voulu bien faire avec la Ve République ? Parce que pour beaucoup, dont Adrien Abosi, De Gaulle n'a fait que maintenir la République et franc-maçonnerie, tutti quanti. Moi, j'aimerais avoir des arguments là-dessus, ça m'intéresse. Bah après, il faut savoir ce qu'est exactement la franc-maçonnerie à sa création, ce qu'elle est devenue au fil de son histoire et ce qu'elle est aujourd'hui. Mais au-delà de la franc-maçonnerie, c'est, comme je dis, finalement, c'est un peu la question de la sincérité de De Gaulle, finalement. C'est plus ça, par ce prisme-là, que... plus. De Gaulle, il n'est pas sincère. De Gaulle, c'est un traître. Il a profité de tous les travaux de Pétain en se les appropriant. Il a essayé de faire déserter des résistants qui étaient en formation en Tunisie. Il a fait plein de choses. Il a fui en Angleterre pendant la guerre. Il a abandonné l'Algérie qu'on a fabriquée, qui n'existait pas avant nous. De Gaulle, c'est un des pires traîtres. Le seul truc qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il avait à cœur l'indépendance de la France. C'est la seule chose qu'on peut reconnaître à De Gaulle. Tout le reste, c'est le travail de Pétain. Moi, je dirais que De Gaulle, il a fait avec ce qu'il avait, quoi. C'est, Non. C'est Pétain qui a fait avec ce qu'il avait. Oui, gagné... non, je suis d'accord, il a repris son travail, mais comme tu dis, les Français, ils n'étaient pas prêts. On avait gagné militairement en Algérie, il nous a trahis politiquement, il s'est soumis. Mais plus que ça, on l'a créé, l'Algérie, elle n'existait quasiment pas avant qu'on arrive. En 1830, oui. Personnellement, moi, je pense que même s'il n'aurait pas fait ça, aujourd'hui, l'Algérie ne serait pas française. Enfin, moi, j'y crois pas. Franchement... Bon, tant qu'on part sur d'autres débats, j'aimerais vous poser juste une toute petite question, parce qu'elle est déjà une heure et demie, j'en peux plus de la vie. En fait, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de Jeanne d'Arc qui n'est pas française ou qui n'est pas blanche, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de l'appropriation culturelle, non? Ouais, j'aimerais avoir votre avis. Je vais commencer. Alors, du coup, il se trouve que c'est pas la Jeanne d'Arc historique qu'on essaye de représenter, quoi. C'est plus la Jeanne d'Arc en tant que symbole catholique, et la dame est catholique. Elle fait partie de la paroisse, donc du coup, pourquoi elle aurait pas le droit de le faire, quoi? Elle est pas blanche. Elle fait partie de la paroisse. C'est toute une partie de la paroisse. Elle est pas blanche. Si t'es pas blanc, tu fais plus partie de la paroisse. C'est ça le problème. Non. C'est simplement que Jeanne d'Arc n'était pas noire. Ouais, mais c'est pas la Jeanne d'Arc historique. Ça serait la Jeanne d'Arc historique, je serais d'accord avec vous. Non, c'est la Jeanne d'Arc. Arrête un peu. Mais après, je vais vous présenter Jeanne d'Arc. Pour représenter Jeanne d'Arc, il faut forcément une femme blanche. Mais du coup, si un musulman blanc, on peut représenter Mahomet blanc, je sais pas. Ben, on représente pas Mahomet quoi qu'il arrive. Non, mais on pourrait. Je sais pas. Du peu de musulmans que je connais, ils sont beaucoup plus libéraux à ce niveau-là. Je vous parle de ça parce que ça a créé une espèce d'onde de choc assez intéressante sur Twitter aujourd'hui. Mais vraiment, une onde de choc assez intéressante. On a vu plein de gens prendre position pour cette fille, etc. Et du coup, ça a éclairci certaines choses. Donc du coup, je voulais avoir votre opinion. C'est comme Black Panther, quoi. C'est le sujet, donc je comprends pas d'où ça part. Moi, j'ai vu les écrits... Après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être recentrer le sujet, je pense, puisqu'on est sur le débat la monarchie contre la République. Désolé. Ouais, on en reparlera de toute façon de ça. Jeanne, au secours. Désolé, mais c'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez intéressant parce qu'on parle de rétablissement de la monarchie, mais effectivement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si déjà on ne s'entend pas sur le fait que Jeanne d'Arc était blanche et qu'il faut l'incarner par une blanche. C'est mal barré pour le rétablissement de la monarchie, vous voyez. Moi, personnellement, j'ai juste un truc à dire à ce sujet, je sais pas si on m'entend. Ouais, on t'entend. Très faiblement, mais on t'entend. Ok, bon, bah, si vous m'entendez trop faiblement, vous m'interrompez pour que j'arrête. Cette histoire de Jeanne d'Arc me fout assez mal à l'aise, personnellement. Il y a des films comme pseudo-historique qui te mettent un vrai noir dans le rôle de Lancelot, une vraie noire dans le rôle de Reine Isabelle ou je sais pas quoi. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'appropriation culturelle au sens où aux États-Unis est en train de se développer ce concept à la con. Maintenant, j'arrive à comprendre moi que non, je suis désolé, il n'y a pas eu de façon significative des centurions noirs dans l'Empire romain. La reine Marie n'était pas noire, etc. Maintenant, il y a quand même un truc qui vraiment me dérange, c'est qu'on s'en soit pris d'une façon assez violente à cette jeune femme, parce que cette jeune femme, mine de rien, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui a un papa qui est noir. C'est une femme qui est chrétienne, c'est une femme qui, à mon avis, se définit comme une vraie Française et qui, à un moment ou à un autre, a pas fait le choix de voler ce rôle à quelqu'un d'autre pour représenter Jeanne d'Arc. C'est une femme qui en est fière, si vous voulez. Et moi, personnellement, quand je vois des gens qui ont des origines apparentes extra-françaises, extra-souchiennes, comme dirait Ouria Boutelja, je suis plutôt content, en fait. Je trouve que c'est le fait que le débat qu'on a en ce moment soit organisé par Tepa qui est un patriote, Tepa qui est métissé, le fait que des courageux soient tenus par des noirs aux États-Unis qui disent « Allez vous faire foutre, vous n'avez pas le droit de m'obliger à voter pour Hillary Clinton parce que je suis noir, parce que je fais ce que je veux », et bien cette femme-là, elle a beau avoir des origines noires, plutôt que de dire « Nique la France et vive mon pays d'origine qui a jamais rien fait pour moi et que mes parents ont fui », et bien cette femme-là, elle est fière d'incarner Jeanne d'Arc. Alors je peux comprendre qu'on puisse voir ça comme de l'appropriation culturelle, mais moi, quelque part, dans la démarche de cette femme qui s'est portée candidate pour être Jeanne d'Arc, je trouve qu'il y a de l'amour pour la France et il y a de l'amour pour la foi qui est la sienne. Très bien, donc, ça que... comrade. Exactement. Comrade, toi, t'es assimilationniste, t'es pour l'assimilation. Totalement, je suis pour l'assimilation. Voilà. Après, s'il vous plaît. Vas-y. Alors moi, ce que ça... Est-ce qu'on parlerait pas plutôt du symbole de Marianne plutôt que de Jeanne d'Arc, avec la polémique d'aujourd'hui ou d'il y a quelques jours, sur plutôt une Marianne métisse plutôt que la Jeanne d'Arc? En vérité, c'est exactement... Une Marianne métisse serait beaucoup plus cohérent qu'une Jeanne d'Arc métisse, ça c'est sûr. Mais vous avez compris le point de vue de Comrade, là, parce que elle a l'amour de la France, elle veut s'assimiler. Déjà, les mecs, elle est assimilée de moitié de base, sans que vous posiez la question. Elle est à moitié blanche. Mais le problème, peut s'assimiler sans toucher les trucs culturels et historiques de la France. Attendez, j'avais pas fini, désolé. Si tu es assimilé, t'es pas assimilé racialement, tout seul, t'es assimilé de la culture aussi. Si vous refusez l'accès à la culture française, en fait, moi, ce qui m'embête dans votre discours, c'est que vous êtes là en mode, ouais, mais vous comprenez, si on refuse, il va se passer des choses. Ouais, non, mais attendez, les gars, c'est pas comme ça. Je veux dire, les gens, les TEPA ou les Carteron, il y en a, mais bon, voilà, on sait tous très bien que c'est pas la majorité. Maintenant, ça l'a jamais été, surtout. Ça l'a strictement jamais été. Maintenant. À l'époque, je vous rappelle, non, mais c'est moi, ce je que m'excuse, dis, mais ça, tous, ça ceux, tous ceux qui bossent, non. Les mecs qui bossent, qui sont d'origine étrangère, la plupart sont patriotes. Il y a même des mecs qui détestent les gens dans leur communauté. Moi, je crois 12% des musulmans votent. C'est bien de mettre en valeur les gens qui font l'effort. Ok, je veux dire. Ben, c'est normal, en même temps, on va pas leur cracher à la gueule, hein, quelque part. Et pourquoi? Mais, attends, mais je termine. Mais, je veux dire, faut avoir conscience, quand même, que derrière, des films comme, par exemple, il était très bien trouvé, hein, le Black Panther ou ce genre de conneries, faut bien avoir conscience que ces gens-là, ils ont pas derrière la logique de se dire, ah oui, alors vous comprenez, c'est la fierté de la... Eh les gars, doucement, vous êtes pratiquement, j'ai pas envie de dire les seuls, mais vous faites partie d'une minorité de personnes qui discutent de sujets intellectuels, d'accord? Les trois quarts des gens, ça va être quoi? Au début, ils vont dire, oh, je t'en veux frère, les Français, c'est tellement des couilles molles, t'as vu, ils ont remplacé leur histoire par nos royaumes, t'as vu frère? Voilà, premier truc, et dans 40 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les futurs gauchistes, imaginons s'il y en a, hein. Non mais comment tu peux savoir que nos ancêtres n'étaient pas noirs, hein? T'as vu, il y avait ce film là où au Moyen-Âge cette vaillante femme était noire. Mais ça se passe comme ça, les gars. En fait, vous comprenez pas. Et l'assimilation à long terme, c'est exactement ça. T'as totalement raison. C'est exact. Juste une chose. Juste, camarade, juste après toi, on va fermer la parenthèse. Hein, juste pour info. Vas-y, camarade. Fini, on va fermer cette parenthèse. Ouais, on va fermer cette parenthèse. Mais là, le truc dont on est en train de parler, c'est une procession, c'est une représentation. Enfin, sauf si je me gourre, c'est pas un film qui va perdurer dans l'histoire, etc. Moi, je suis en train de dire et que d'autres sont en train de dire, c'est que il faut pas voir seulement l'idée qu'on est en train de écrire l'histoire, mais aussi le fait que il y a des gens en France, il y en a, je suis d'accord avec toi, ils sont pas majoritaires, mais en même temps, c'est même pas la faute de la plupart d'entre eux. Regarde les cours d'histoire, bon Dieu, l'esclavage, quelle vision on en a donné? C'est uniquement un truc de blanc. Tout le monde se bat les couilles de la vérité historique de l'esclave, de l'esclavage. Et de dire qu'il y a des Noirs et des Arabes qui ont eux aussi fait leur peur avec ce truc-là. On éduque. Moi, je suis pas un angéliste, mais pas du tout. Hein. Vraiment, un jour on fera un débat sur la peine de mort, vous allez voir, je suis hardcore, et sur un tas de choses. Mais il y a quand même pas mal de gamins qui dans les anciennes générations, mais on les a encouragés à cracher sur la France parce que je ne sais pas si vous avez vu cette histoire et après j'arrête, d'accord ? Il y a eu des professeurs qui se sont opposés à la venue de Laurent Deutsch dans les écoles, ok ? Parce que tu sais, il avait fait un truc sur un livre sur l'amour de la France ou je sais pas quoi, et les professeurs avaient dit notre rôle n'est pas de transmettre l'amour de la France. Donc ces gamins là, ils sont pas innocents. Ok, ceux qui détestent la France et tout ça, mais on les a super encouragés. Et la seule chose que je suis en train de dire, c'est que c'est chouette, ça met un peu de baume au cœur dans ce pays de fou, quand tu vois une jeune femme qui est pas d'ici complètement et qui a envie de vivre et d'incarner un symbole aussi puissant que Jeanne d'Arc. C'est tout ce que je sais. On arrive toujours à la même chose. On va te muter, Matt, merci. Donc on va revenir sur le sujet. C'est important de revenir sur le sujet. C'est sympa pour la parenthèse. De toute façon, c'est sûr qu'on aura l'occasion de rediscuter de ça. C'est sûr et certain. C'était un sujet fondamental, hein, je précise. Il n'y a pas de problème. Donc, pour revenir sur le sujet, je trouve que c'est dommage que vous n'ayez pas attrapé un peu la perche qui vous a été tendue par une question hyper intéressante, je crois, qui a été posée par Liès précédemment, sur la faisabilité, qui est le néologisme pourri, du retour d'un roi en France, la manière dont ce serait possible à la fois de l'amener et de pérenniser son pouvoir. Moi, je tiens à mettre juste de côté deux minutes mon jeu républicain pour donner juste quelques signes qui montrent que c'est pas si peu plausible que ça, parce que il y a par exemple deux trois exemples. C'est, je crois que l'année dernière ou il y a 2 ans de ça, il y a eu un référendum, par exemple, je crois que c'était au Brésil. Le retour de la monarchie. Je crois qu'en Serbie aussi, c'est une idée qui a le vent en poupe. Et je crois par ailleurs, pour parler de notre cas, donc de la France, que les Français aujourd'hui, face à ce qui peut être considéré comme une crise politique, ce qui est une crise politique, on le voit avec les gens qui se désintéressent complètement de ce système démocratique, républicain, etc. Par exemple, avec l'abstention, et d'autres formes, d'autres signes qui montrent que les gens s'écartent ou se désintéressent de ce système-là, c'est peut-être pas si fou de penser que on puisse envisager, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait là en fait en ce moment, et ce que par ailleurs beaucoup de personnes qui circulent et qui viennent discuter, etc., proposent. Donc c'est peut-être pas si fou de penser ça, mais maintenant ce serait bien de revenir à cette question-là de en pratique. Comment vous verriez, est-ce que vous êtes plutôt légitimiste, est-ce que vous verriez ça comme une approche plus par l'élection, enfin, comment légitimiste. Mais juste une toute petite chose, je crois qu'il y a eu un sondage qui a été effectué par un média assez important auprès des Français qui leur demandait justement si jamais ils étaient favorables ou non au retour du roi, et que très étonnamment, il y avait eu à peu près 40% qui étaient favorables au retour du roi. Je parle d'un grand média, ça m'avait aussi pas mal étonné. Enfin bon, bref. Moi, je me souviens que c'est exactement les termes qui que ça pouvait être envisageable. Maintenant, je suis pas sûr que 40% des Français veulent le retour du roi. Bah, dans le sondage, il y en avait 40% qui disaient qu'ils étaient en tout cas pas contre le retour du roi et qu'ils étaient plutôt même intéressés par cela. Mais bon, bref. Dans tous les cas, pour moi, il ne faudrait pas que le roi arrive demain sur le trône parce que ce serait beaucoup trop prématuré. Il y a beaucoup trop de choses à faire avant. Il devrait y avoir un dirigeant nationaliste qui fasse ce qu'il faut avant. Et après, voilà. Pour arriver, pour aller dans ton sens, et après, Yuri, si tu as envie de t'exprimer, tu pourras. Juste pour aller dans ce sens-là, parce que je partage l'idée que ça peut advenir que progressivement. Ça peut absolument pas être quelque chose. Encore que, il y a Citrix, justement, qui était le seul à avoir un peu répondu tout à l'heure, qui parlait de cette notion d'homme providentiel, que peut-être, oui, hein, dans un temps de grande crise. Ouais, mais Citrix, etc., c'est différent. Alors attends. Donc dans l'esprit d'amener la chose progressivement, déjà il y a une chose qui est critique et dramatique aujourd'hui en France, c'est que la fonction du président, la fonction présidentielle est complètement elle a été plus que mise à mal, mais elle a été pourrie quoi en fait par les derniers présidents, Sarkozy, Hollande, même Mitterrand. Ça a été des expériences qui ont complètement pourri cette fonction, qui ont fait que les Français en fait ne perçoivent plus leur chef d'État comme cette personne qui peut être un peu proche d'une figure entre guillemets paternelle de monarque. Moins il y aura de Français, etc., plus ce sera le cas. C'est certainement. Et puis plus il y aura de patriotisme aussi, et plus on demandera à ce que cette fonction soit remise à sa juste valeur, quoi. Mais déjà amener, comme tu disais, je crois, Matt, un dirigeant, je sais pas, nationaliste ou pas, mais en tout cas qui rehausse un petit peu le niveau de cette fonction présidentielle dans un premier temps, derrière peut-être effectivement avec du patriotisme, etc., pour enfoncer le clou. Mais par la suite, concrètement, dans la pratique, par la suite, comment faire advenir un système monarchique en France ? On n'y est pas. Impossible. Donc impossible. On se projette. On se projette. Comment les minorités, enfin, c'est même pas une minorité d'ailleurs, mais comment les royalistes sont traités dans les médias, toujours en dérision, à associer ça à une classe bourgeoise catholique. Enfin, je vois pas comment une parole de ce côté-là pourrait prendre une place médiatiquement. Donc, enfin, pour moi, c'est impossible d'y arriver, quoi. Après, j'aimerais quand même rajouter aussi que, parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Lo, mais il faut comprendre que l'avenir, c'est pas le média, c'est pas les jeux d'influence médiatique, c'est pas ça. À partir du moment, moi c'est très simple. Moi j'ai vu quelque chose, moi chez les jeunes, les postes 2000, c'est très simple, idéologiquement parlant. Même si c'est des gens qui ont pas fait des recherches intellectuelles énormes, etc., parce qu'ils sont encore très jeunes, hein. Mais ce qui en ressort de manière très générale, c'est quoi ? Soit ça va être de l'extrême gauche, soit ça va être de l'extrême droite. Et c'est à peu près, attends, laisse-moi finir. Et c'est à peu près, je dirais, du 30-70%. À peu près. Déjà, ça prouve bien que les réalités de ce monde, qui rentrent d'ailleurs aujourd'hui complètement en contradiction avec la lignée des médias, ça montre la faiblesse de la propagande médiatique. Évidemment. Et j'aimerais aussi dire que quand tu dis 30-70, c'est pour qui en fait, précise. 30 extrême droite, 70 gauche. Ok, d'accord. Et j'aimerais aussi dire que si on doit sortir quelque part de la République, on en sortira comme on en est rentré, c'est-à-dire dans le sang, pas d'une autre manière. Ça faut bien en avoir conscience. C'est bien pessimiste ça. Non, mais je pense qu'il a raison dans le sens où, si c'est pas dans le sang, en tout cas, il faudra un grand bouleversement, dans le sens où, je pense que ta question était mal posée quand tu disais comment on fait advenir. Je pense qu'on va pas le faire advenir, je pense que ça adviendra tout seul, dans le sens où, et c'est Matt qui disait ça tout à l'heure, pour qu'un Poutine arrive au pouvoir, il a fallu que la Russie tombe au plus bas. Et je pense qu'un virage à 180 degrés dans les mentalités comme il a pu, comme on voudrait voir advenir pour l'avènement d'une monarchie, ça n'arrivera que si on tombe au plus bas comme l'a fait la Russie. Ça, j'en suis convaincu. Après, que ça se fasse dans le sang ou pas, je n'en sais rien, mais l'histoire a démontré que ça s'est souvent fait dans le sang. Donc. D'accord. Exact. Et moi, je pense pas que ce sera dans le sang, parce que justement, chez ceux qui sont de droite, qui sont monarchistes, etc., ne sont pas favorables au bain de sang. Ils sont favorables à la conciliation. Oui, mais Matt, le truc, c'est que être favorable ou pas, dans tous les cas, on a beaucoup trop d'enjeux et beaucoup trop de tensions, justement, qui nous amènent vers ça. Je veux dire, en dehors de la question, si on s'éloigne juste un tout petit peu, très vite fait, de la question du royalisme, je veux dire, enfin, faut pas être un putain d'expert pour comprendre où on va à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire, même, j'ai oublié son nom, le politicien, justement, qui avait discuté, là. Effectivement. Ce qui change la donnée, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrés. Effectivement. On n'est pas obligé de penser. Non, mais on n'est pas obligé de tous penser un petit peu, d'être aussi fataliste, de se dire que forcément les choses passeront par ces violences ou autres. On n'est pas obligé de penser comme ça. Et ça me permet de faire le lien. Il y a une personne sur le chat qui faisait le commentaire. Un roi, par définition, ça va pas se faire élire. Alors certes, d'accord, mais on peut imaginer par la voie parlementaire, il y ait un changement de régime. C'est envisageable. D'ailleurs, il y a pas forcément vers le royalisme, mais simplement des changements de constitution, etc. C'est des choses aujourd'hui dans les programmes des présidentielles qui ont été mentionnées, qui ont été proposées. Donc c'est pas non plus si loin que ça. Et à côté de ça, le fait qu'il y ait des signes de désintéressement complet de la part des gens dans ce système, ça peut aussi être envisageable d'apporter un nouveau régime sans violence. Je dirais juste une chose très rapidement. San, je crois qu'il y a San qui voulait répondre. Pardon, moi je laisse. Tony peut prendre la parole, j'ai parlé juste avant. Donc. Alors vas-y Tony, vas-y. Je vais être très bref de toute façon. Je pense que si un jour le monarchie devait revenir en France, ça serait pas par le Parlement. Ouais. Non. Mais pour en revenir à ce que j'allais dire, du coup, c'est peut-être alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, et je pense que c'est ce que voulait faire Tepa tout à l'heure, de peut-être sortir de ce, on va dire, du carcan république contre monarchie. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre voie? National-socialisme. Par exemple, c'est parfaitement compris ce que je voulais dire. C'est une espèce de synthèse, mais parce que, quoi qu'il arrive, enfin, ça me paraît, tu sais, pour vraiment se plonger dans le réel, croire qu'on va jeter tout à la poubelle des 200 dernières années, ça me paraît difficile, quoi. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Oui, voilà. Mais dans tous les cas, il y aura une étape. Le successeur, c'est au mérite, quoi. C'est-à-dire que... À la Révolution, on a tout foutu à la poubelle de je sais pas de combien de siècles avant. Il y a eu un pourrissement. C'est pas forcément. Alors, on n'a pas tout jeté d'un coup. C'est pas forcément une étape pour obligatoirement revenir à une monarchie. Peut-être que ça serait un régime d'une forme nouvelle qu'on n'a jamais expérimenté, on n'en sait rien. Ouais, et puis surtout qu'en plus, je tiens à dire que aujourd'hui, on a énormément d'éléments de comparaison. Parce que c'est vrai que quand on parle d'histoire, on se dit « ouais, mais c'est loin, on ne sait pas, etc. » Pour répondre à la question de la Révolution, c'est très simple, hein, la Révolution qu'ont connue nos ancêtres, c'est en gros... la même chose qui se passe à l'heure actuelle dans les pays arabes. En gros, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un grand renversement, il y a des luttes géopolitiques un peu partout, surtout, des fois, c'est même sur des factions qu'on se dirait, putain, c'est tellement peu important que ça n'a même pas lieu d'exister, des fois, de loin, on a cette impression. C'est exactement ce qui s'était passé en France pendant la Révolution. Et c'est ça. C'est vrai que cet avis de se dire oui mais on peut pas jeter le passé etc. Bah quelque part l'homme il a fait un peu que ça. Enfin je veux dire on a toujours fait ça. Je veux dire quand les Arabes faisaient des raids, enfin les Sarrasins plutôt à l'époque comme on les appelait et qui pillaient des temples, qui brûlaient tous les livres qu'ils trouvaient, c'était bien d'arracher le passé quoi. Donc on l'a toujours fait quelque part. Enfin c'est pas nouveau. Moi, je pense que on a réussi à... Il faut aussi voir le régime qui a le mieux marché sur la durée dans notre pays. On a eu quand même plus de 1000 ans de royauté. C'est un régime qui plaît aux Français et qui est durable. La démocratie, la République, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit fait pour les Français, quoi. Sur 200 ans de République, il y a eu que des guerres, des tensions, des révolutions. C'est pas fait pour nous. C'est comme les Coréens, ils sont pas faits pour la démocratie. Les Coréens du Nord, pardon. Bah, c'est ce que je voulais dire quelque part, c'est que finalement, à chaque peuple son régime. Bien sûr, à chaque peuple son régime, il faut pas imposer son régime. Par exemple, l'Arabie Saoudite n'est pas faite pour la démocratie. Tu vois ? Ou le Moyen-Orient, de manière générale, je pense. Oui, que c'est pour ça. C'est comme la Russie. La démocratie étant la démocratie actuelle, étant à la base puisée donc justement sur 1789, on peut estimer que, étant donné qu'elle s'est propagée dans le monde entier, en fin de compte, dans le monde entier, on peut estimer que si jamais un jour il y ait un basculement vers la monarchie, ce soit suite à une troisième guerre mondiale. Ouais. Non, il pourrait y avoir une monarchie. Parce que des démocraties aujourd'hui, il y en a énormément. Des républiques, attends, il y en a énormément. Je crois plus au nouvel ordre mondial s'il y a une troisième guerre mondiale. Mais... Amoros, si tu veux bien. Il pourrait y avoir une toute autre monarchie qui s'installerait et qui a le vent en poupe énormément. Et à l'unanimité, ce serait le califat. Ah oui, avec avec un calife, et dans 30 ans, il serait possible d'avoir ce. Non mais des républiques maçonniques. Il y en a eu des dizaines qui se sont créées depuis 1789. Dans la plupart des pays, il y a des républiques qui sont appuyés par la maçonnerie. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir un basculement systémique sans qu'il y ait un basculement idéologique. Ah, attendez. Parce que là, la République, elle a bon dos, la République. Là, je suis pas d'accord. Non, mais il faut pas attends. Être... Attends. La République de 1789... Attends. Il faut pas être dupe. La République de 1789 a propagé ses idées dans le monde entier. Dans le monde entier. Moi, il y a un truc que je veux souligner, c'est qu'il y a une espèce de contradiction, de paradoxe entre ce que vous défendez comme vertu d'éventuellement un modèle monarchique et ce qu'est la République. Le fait que vous pourriez pas vous défaire de tout ce que nous a apporté la République en termes de liberté individuelle, en termes de simplement le fait de pouvoir faire les lois auxquelles on se soumet, pour emprunter des expressions un peu du siècle des Lumières, de Rousseau, de Locke, etc. Non mais attends, le fait d'être soi-même celui qui va créer la loi à laquelle il a envie de se soumettre, c'est une avancée, enfin c'est une grande avancée. J'ai une question à te poser à l'assaut. Vas-y. Est-ce que pour toi la révolution de 68 est quelque chose pour toi de bénéfique? C'est pas une révolution, mais oui. Est-ce que c'est quelque chose de bénéfique? Bah pas forcément, parce que là, tu sais, faut pas confondre les libertés et le liberté. Enfin, le libertarisme, enfin, tu vois, liberté, machin, qui de pacotille, c'est pas ça dont on parle. Les libertés fondamentales, c'est celle de d'avoir une propriété, de pouvoir faire son entreprise, tu vois, en profiter. C'est ça les libertés fondamentales qui sont pas permises sous le régime d'un monarque. Pas pour tout le monde en tout cas. Pour la noblesse, oui, super. Hein, donc 1%, les fameux 1% qu'on a aujourd'hui, tu vois, parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui d'ailleurs qui critiquent la République parce qu'elle s'est dévoyée, parce qu'elle est devenue une République monarchique. en fait. Donc On peut défendre la République de ce point de vue-là en disant que il y a garantie certaines libertés individuelles. C'est pas dévoyé. Il y a autre chose. Alors, son aboutissement. Peut-être, alors peut-être selon toi, mais alors il y a autre chose. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de ce qui était du droit divin, de voilà, le monarque était un peu lié à cette notion de droit divin, etc. Mais est-ce que vous seriez pas d'accord pour dire que, encore une fois, les premiers défenseurs de la République, et je fais encore référence à ce fameux siècle des Lumières, je parle de Rousseau, de Locke et d'autres. Ces mecs-là, enfin peut-être pas pour Rousseau, mais en tout cas certains de ces penseurs de cette époque, eux aussi, c'était au nom de l'égalité des hommes aux yeux de Dieu qui défendaient la République, qui était ce système qui garantissait l'égalité naturelle qui existe parmi les hommes. Alors pour vous, j'imagine que attends. Alors là, justement, j'imagine que l'argument, le contre-argument, c'est il n'existe pas de telle chose que d'égalité dans l'état de nature parmi les hommes. On pourrait peut-être me répondre ça. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas la République qui se rapproche le plus du système d'égalité, peut-être souhaité par Dieu? Après, moi, j'aimerais te répondre. Parce que c'est vrai que tu as dit beaucoup de choses. Moi, déjà, par rapport aux nobles qui sont privilégiés, moi, je suis pas très, très d'accord. Parce que bon, il faut savoir quand même que pendant une très, très, très bonne partie de l'histoire, les nobles avaient interdiction de travailler. Donc, c'était plus ou moins sur les textes de loi, mais même quand ça l'était pas, en général, c'était quand même interdit. J'ai pas m'attarder dessus, pardon. Mais ils étaient rentiers, non? Non, absolument pas. Les nobles, pendant un moment, n'avaient plus le droit de gagner un sou. Ils n'avaient pas le droit de gagner d'argent. Donc, il faut pas voir ça comme des privilégiés. Et ensuite, tu as parlé du droit d'entreprise. Ben, aujourd'hui, personnellement, je vois pas tellement de droit d'entreprise, quoi. Parce que bon, quand tu regardes la différence entre, c'est un exemple, hein, mais la différence entre les taxes des PME et la différence des taxes, c'est les taxes inexistantes des grandes entreprises. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Si tu fais pas partie de la caste, il y en a qui diront, on est lumineux. Voilà. J'ai envie de te dire, t'es baisé. Hein, c'est clair. Ça, c'est peut-être propre à la France. Alors, je crois qu'il y a Véronique qui est dans le coin, qui est parmi nous. Est-ce que tu es là, Véro? Oui, moi, je voulais juste vous dire, moi, je prends pas position là-dessus parce que moi, j'ai ma petite idée, bien sûr. Je me dis simplement combien de temps le peuple va-t-il continuer à servir des parasites? Combien de temps? Et c'est qui les parasites dans ton esprit? Pas déjà les dirigeants. Alors maintenant que tu mettes des nobles, que tu mettes des présidents, que tu mettes des députés, moi c'est des parasites. Tu es une anarchiste en fait. Ce serait pas un peu antisémite, ça, Véro? Non, c'est pas. Je dis que c'est pas le bol du système. Maintenant, tout à l'heure, vous avez apporté l'histoire de la Jeanne d'Arc noire. Ça ne m'étonne pas. De toute façon, depuis qu'on a la République, ils ont chassé en fait la bourgeoisie a pris le pouvoir. C'était une noblesse. Voilà, c'était remplacé par des gens qui avaient du fric. Exact. Et c'est toujours le même problème. On en est encore là. Combien de temps le peuple va-t-il servir des parasites? Voilà. Absolument. Par rapport à l'élance qu'à eux, qui se coûte pas mal ce qui est en dessous de l'instance, ça leur rapporte. Moi, je demande un changement complet. Maintenant, peu importe si vous l'appelez roi, empereur, ou je sais pas, je m'en fous. En tous les cas, ça ne fonctionne pas. Bah, ce que tu voudrais, du coup, Véreux, c'est sans doute un peu une troisième voie comme celle dont on parlait avec Tepa, peut-être quelque chose de plus moderne, qui soit pas forcément une monarchie à l'ancienne, qui soit pas la République, mais qui soit autre chose, quoi. Pourquoi pas l'Empire? Non, mais dans tous les cas, une monarchie aujourd'hui ne pourrait pas être à l'ancienne. Elle ne pourrait pas. Une monarchie ne pourrait être qu'actuelle. Mais c'est une monarchie aujourd'hui. Oui. On peut les comparer à une monarchie. Les gens qui ont le pouvoir, c'est une monarchie. Ça se transmet de père en fils, de frère en cousin. Ben voilà. C'est une monarchie qu'on a actuellement, c'est pas autre chose. Eh ben voilà. Mais si je peux rebondir sur ce que tu disais à l'assaut, je trouvais que c'est intéressant. Enfin, Mais si j'ai bien compris, ce qui est derrière ton discours quand tu parlais, c'est en gros tu veux dire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire qu'on peut trouver des points positifs et négatifs à la République comme on peut en trouver à la monarchie. Et le parallèle avec mai 68 était très bien. Dans le sens où mai 68, je ne sais plus qui posait la question, est-ce que c'est bien pour toi, ben, ce n'est pas si facile d'y répondre en fait. Il ne faut pas non plus rentrer dans la question. Quels sont les points positifs Quels sont les points positifs à la République Ben, un peu ce qu'Alasso a dit tout à l'heure. Il y en a plein quand même. Il y en a quand même quelques-uns, tu ne peux pas le nier. Comme quoi Déjà, on peut parler d'un retour de la monarchie sous la République. On n'aurait pas pu parler de la République sous la monarchie. Youpi. Mais bon, c'est pas mal déjà de pouvoir parler. Non. Bah, si alors, on n'avait pas parlé, on n'aurait pas eu la République. Je vais essayer d'aller sur un autre angle. Alors, est-ce que 1789, quelque part, n'était pas inévitable comme mai 68 à son tour, dans le sens où mai 68 est né d'une volonté des gens de sortir d'une espèce de rigidité au niveau des mœurs, qu'on ne peut pas nier, ça existait. Alors aujourd'hui, ça a causé un désastre, on voit ce que ça a fait et on peut critiquer. Mais évidemment, on ne peut pas nier que c'est né de quelque chose. Et 1789, c'est pareil avec tous les travers qu'on connaît aujourd'hui. Absolument, absolument. Ah ok, bah dans ce cas c'est intéressant. En gros, ce que je comprends, c'est qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en fait. C'est qu'en gros, si on veut avoir toutes ces libertés là entre guillemets offertes par la République, le modèle républicain, la démocratie, etc., savoir droit de propriété, droit liberté d'expression, etc., c'est un petit peu ces droits fondamentaux. Il faut qu'on accepte à côté de ça des libertés, des droits qu'on pourrait juger peut-être immoraux en fait. Exactement. Ouais. Tu trouves qu'on a de la liberté d'expression aujourd'hui en France ? Non, mais attends, on parle pas d'aujourd'hui en France. Moi, je parle du système, du modèle républicain. Il n'y a pas que la France, d'ailleurs. La République, c'est pas un concept. Enfin, oui, c'est un concept peut-être. Oui, non, d'ailleurs, c'est un concept français. Oui, enfin, la République, comme tu le disais toi-même, il y en a partout dans le monde des républiques. Hein. Oui. Voilà. Les États-Unis, c'est la République. Sur la base du système français. Oui, en grande partie, oui, certainement. Enfin, pas que les penseurs qui ont amené l'avènement de la République n'étaient pas que français. La République américaine, elle existait avant la République française. Hein. J'ai une petite question. Si vous avez D'ailleurs, le mot convention qu'on a pris, on s'est inspiré du mot américain, convention, hein, tu vois. Donc voilà. Mais là, il y a de l'histoire. Voilà. Ça fait partie de l'histoire aussi, les gars. Oui, non, mais il faut le préciser, parce qu'on n'est pas les plaignants. Mais ça allait dans le même sens. Merci, ça allait dans le même sens. D'accord, mais il ne faut pas dire qu'on est les premiers, parce que c'est l'inverse. C'est les Américains qui ont fait leur République. Le premier, ça s'appelait. Et le mot convention, qu'on a appelé la convention, c'était pour prendre le mot convention en anglais. Donc, on s'est complètement aussi inspiré d'eux, à la base. Voilà. Mais bon, après, ceci dit. Non, mais voilà, juste pour faire la parenthèse sur le débat, on ne va pas épiloguer là-dessus. Voilà, ceux qui ont inspiré cela sont français. Pas que. Les Lumières sont français, en général. Ouais, c'est Rousseau, Montesquieu, etc. Il y en a d'autres. Il y a des... C'est même Descartes. Oui, tu remontais jusque-là. Mais en tout cas, voilà, vous ne sortez pas de cette contradiction-là entre appeler de vos voeux un système monarchique et finalement pas en pratique, en réalité on peut pas se défaire de notre système républicain là en fait. Demain tu peux pas vouloir élire tes députés, ton parlement, etc. Tu peux pas renoncer à ça. Honnêtement, moi si y a un roi qui est bienveillant, j'aurais même pas envie de me politiser, j'aurais juste envie de vivre ma vie, quoi. Vivre sa vie, c'est quand même mieux que sans arrêt. Je sais pas, si on est obligé d'être politisé aujourd'hui, c'est parce que ça va mal. Si ça va bien, t'as juste besoin de vivre ta vie, quoi. C'est pas faux. Mais il faut quand même se rendre compte d'une réalité du terrain aussi, c'est que bon, certains diront que ces gens-là ne sont plus français. Mais bon, je vais quand même les appeler comme ça. Les Français aujourd'hui, majoritairement, sont quand même attachés aux valeurs républicaines. Dans tous les cas, donc. Non. Ah, bien sûr que si. Hein. Non. Ils s'en battent les couilles, les Français. C'est que devant les caméras qu'ils s'agitent. Et de lors des élections. Il y aurait un fureur, un roi, tout ce que tu veux, une brebis. Non, mais qu'est-ce que c'est que les valeurs républicaines? Mais déjà, personne marche dans la rue et demande aux gens s'ils ont envie de renoncer au droit de vote. Et tu vas voir ce qu'ils vont te répondre. Alors, pour moi, les valeurs républicaines, c'est un régime et un régime de bananes. Voilà ce que c'est. Attends, et alors, il y a l'égalité. L'égalité, c'est un des principes fondamentaux. Alors, attends, est-ce que toi, demain, au tribunal, t'as envie d'être jugé comme un vil pleutre ou comme un noble? Demain, c'est déjà le cas. L'égalité, tout le monde peut le constater, elle est à deux vitesses en France. Mais oui. Les jugements ne sont pas rendus suivant la personne qui passe devant le tribunal. Et je vois pas la différence réelle avec un système monarchique. Mais oui. Ouais, puis moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que sous la monarchie, on avait le droit de rien. C'était pas ça non plus. Et comme on disait tout à l'heure, si ça doit arriver, ce sera progressif. Hein. Il faut pas croire que le droit de vote était inexistant sous la monarchie. Il n'y avait pas de vote au niveau de certains dirigeants, mais au niveau des décisions locales ou régionales, les gens votaient. Il y avait C'était beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais on n'est pas en train de dire que c'est totalement faux. On ne dit pas qu'on ne pouvait rien faire sous la monarchie et que la monarchie, c'était pourri. C'est justement le contraire. On essaye justement d'avancer sur le terrain et de se dire est-ce qu'on va pouvoir un jour, avec la mentalité, c'est quand même ancré dans l'esprit des gens actuellement, qu'on le veuille ou non, certaines valeurs républicaines le sont. Est-ce qu'on pourra s'en débarrasser un jour? Et d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable de se débarrasser de certaines de ces... Encore une fois, exemple de la Russie, ça va prendre du temps. D'accord. Bah, déjà... Il n'est pas exclu de se débarrasser de toutes les valeurs républicaines. Il y a évidemment certaines valeurs qui étaient déjà communes aux deux systèmes, et il n'est pas exclu d'en rajouter d'autres. C'est l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Voilà, je suis d'accord. Alors, mais à ce moment-là, est-ce que ça reviendrait à dire que monarchie et démocratie sont compatibles? Quelle horreur! Ah, ça veut rien dire. Tu peux dire qu'elles se ressemblent, mais tu peux pas dire qu'elles sont compatibles. C'est deux choses différentes. C'est surtout que c'est absolument pas compatible. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'à l'époque les gens ils sont massacrés pour ça. Enfin, c'est logique, quoi. Enfin. Parce que en Europe, comme je le disais tout à l'heure, en Europe il existe beaucoup de monarchies, mais c'est pas des vraies monarchies en fait. Enfin, on est d'accord. Mais encore, elles sont pas absolues. C'est ça que tu veux dire. Comme je le disais tout à l'heure, la démocratie sous une monarchie pourrait aujourd'hui être observée. Mais vous parlez tout le temps de démocratie, mais ça n'a jamais été une démocratie. Attends. C'est une république. Attends. Si toutefois on ne parle que dans certaines régions, par exemple, oui, effectivement, la démocratie peut être observée au sein d'une monarchie aujourd'hui. Tant que ça touche pas à tout ce qui est régalien. Tant que ça ne touche pas au régalien. Voilà. Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Et en vrai dire, ça serait presque plus démocratique que sous la République, en fait. Absolument! Parce que dire qu'on vote nos lois, enfin, je pense que si c'était tous les Français qui voteraient les lois, ça ressemblerait à autre chose. C'est ridicule. C'est absurde. C'est absurde. Donc la monarchie en fin de compte envisageable, c'est une monarchie qui sert un peu, qui est plus symbolique en fait, qui sert juste un peu à fédérer, à rassurer un peu. Mais Véro l'a dit. Véro. Il y aurait la figure du roi, mais il y aurait pas que cela. Véro vient de souligner la chose très clairement. Est-ce qu'on parle de démocratie ou est-ce qu'on parle de république? La république et la monarchie ne sont pas compatibles, certes. Mais la démocratie, le fait de laisser les gens voter, ça n'est pas incompatible avec une monarchie. Oui, mais oui. La démocratie est un autre système. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la démocratie, ce n'est pas du tout ça. Et ce n'est pas du tout la République. ce système, les trois tiers, enfin, c'est autre chose. C'est un conseil de sages, ça n'a rien à voir avec la République. Mais c'est le cas aujourd'hui, Véronique. La démocratie et la République sont intimement liées. Ce sont des synonymes. Absolument pas. Ça n'a jamais été la démocratie, la République. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas la démocratie, là, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, République ou démocratie. Bon, j'aurais une question. J'en parlais. J'ai juste une question pour Matt. Comment tu définis la démocratie, en fait? Comme, pour toi, c'est quoi la démocratie? La démocratie est une. À propos de ça, je voudrais pas. On t'a perdu, camarade. Ok. La démocratie est une idéologie. Simplement. Ce sont les droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est ça la démocratie. La démocratie n'est pas. Ça se transformer par rapport aux mots. Si on a deux mots différents, c'est que ça veut dire deux choses différentes. Hein. Ou c'est la démocratie, ou c'est la République, ou c'est la royauté, ou c'est l'Empire, mais c'est pas la même chose. Véronique, je suis d'accord avec toi. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Littéralement. Mais il n'empêche que. Et on en est très loin. Oui, mais aujourd'hui, parce que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la démocratie. Depuis le début. Bon, je vais pas finir une phrase, tant pis. C'est pas la démocratie. Oh, Véro. Attendez. Absolument. Merci. Oui, ben oui, mais c'est pour ça que quand j'entends la démocratie, c'est la République. Si on parle de ce que nous on entend démocratie, ça, c'est pas le cas. C'est aristocratie, c'est ce que tu veux, mais c'est pas démocratie. Mais encore une fois, vous ne parlez là que du système politique. Mais ce n'est plus le cas. C'est un système idéologique. Bien c'est sûr. Là que vous butez pas. La question, je te soutiens. Si vous permettez, je vais pas m'énerver, je vais juste vous dire une chose. La démocratie, le pouvoir est dans la main du peuple. Il s'agit du principe de souveraineté, d'accord? Il y a également le principe d'égalité. Et la République, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est un système différent. C'est ça que je suis en train de dire. Rien d'autre. Tout à fait, non, mais c'est là que tu te trompes. La représentation du peuple, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la République. Il n'y a aucune différence aujourd'hui entre démocratie et République. C'est une certitude. Parce que les mots étaient dévoyés. Les mots ont été dévoyés, bien sûr. C'est ça qu'on dit, parce qu'en fait, je crois que depuis tout à l'heure, on n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait. Évidemment, les définitions, comme toujours. Hein. Mais bien évidemment. Mais la démocratie et la République, aujourd'hui, ce sont exactement la même chose. Quand il y a un pays occidental qui dit « on va apporter la démocratie dans le monde », la démocratie, c'est exactement la même chose. Le problème, je pense que tout le monde est d'accord, en fait, sur le fond. Le problème, c'est la nouvelle langue, en fait. Et le problème, c'est que Matt s'obstine à garder les mots de nouvelle langue, alors que tout le monde veut utiliser les termes à tort, Citrix. Laisse-moi parler. Parce qu'aujourd'hui, Non, je veux finir. Tu monopolises la parole en permanence, s'il te plaît. Non, arrête, ça va, commence pas. Vas-y, Citrix. On va se calmer tout de suite, hein, on va garder toute courtoisie. Donc, Citrix, tu finis ce que tu as à dire, et ensuite, c'est Tom, je crois, qui voulait parler. Voilà. Merci. Donc, si ce n'est qu'un combat sémantique, on va tourner en rond juste pour imposer le sens d'un mot, alors que tout le monde pense la même chose pour l'instant. Donc, je pense qu'on pourrait faire évoluer un petit peu le débat et sortir de. Très vrai. Camarade, si tu veux essayer, vas-y. Ouais, ça m'intéresse. Je suis désolé, je suis pas tout le débat très précisément parce que je suis en train de travailler sur autre chose, mais au niveau de la démocratie, si on revient à ce que ça veut dire étymologiquement, c'est quelque chose, je pense, sur lequel on va tous être d'accord. Démos, le peuple, Kratos, le pouvoir. On est d'accord là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Quand on dit que la République et la démocratie sont la même chose, ça n'est valable que dans l'acception actuelle de cette histoire-là. C'est vrai que quand on écoute Manuel Valls nous parle de République, il nous parle de valeurs qui sont censément... censé être l'équivalent pur et dur et simple de la démocratie. Sauf que nous vivons dans un pays où on se prétend être une démocratie, c'est-à-dire un pays où le peuple a le pouvoir, mais est-ce que, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà abordé ces questions-là. Il y a des dizaines de filtres qui font que le pouvoir du peuple et la volonté du peuple ne peut pas s'exprimer. On est d'accord, tous les 5 ans, nous votons pour savoir de quelle couleur sera la cravate du mec qui va nous diriger. Sauf que ce mec va nous diriger au sein d'un système politique qui fait que, quoi que pense le peuple, avant que n'importe qui puisse se proposer à nous en tant que candidat, il aura à récupérer 500 signatures d'élus de la République. D'accord ? Donc c'est un premier filtre. Une fois qu'il les aura obtenus, quel que soit son avis, que ce soit l'avis pertinent et utile pour le peuple français qui pense comme lui, il faudra que ce type-là réussisse à passer le filtre des médias. Les médias eux-mêmes, on est d'accord, sont soit subventionnés par l'État, soit détenus par des multinationales qui ont des intérêts et qui ont des collusions avec l'État. Une fois que nous en sommes là, il faut se dire que même si l'un d'entre nous ici était le génie ultime, le mec qui a compris comment faire en sorte que le bordel qui nous sert de pays réussisse à devenir quelque chose de vivable, quelque chose de respectable, quelque chose de viable économiquement, eh bien, si l'un d'entre vous s'exprimait sur, je ne sais pas, YouTube ou n'importe où, et obtenait 40 millions de putains de vues et d'adhésions dans une pétition en faveur de sa candidature à l'élection présidentielle, ce type-là n'arriverait pas de toute façon à être candidat à l'élection présidentielle. Et même s'il y arrivait pour une raison X ou Y, parce qu'il réussissait à convaincre 500 élus de la République de lui donner l'assentiment et la signature de ces gens-là, eh bien, ce type-là se retrouverait à nouveau heurté au filtre des médias. Donc, le terme de démocratie est tellement, tellement, tellement... Oui, bah, tu as raison là-dessus, au financement, parce que, je veux dire, si moi j'étais le génie ultime, si Topa était le génie ultime, si n'importe lequel d'entre vous l'était, si on était l'homme providentiel qui va sauver notre putain de pays, avoir les couilles, la détermination, la fidélité et l'honnêteté intellectuelle de faire ce qui doit être fait dans ce pays, eh bien, même si on arrivait à avoir ça, par la force de la volonté populaire et d'une pétition quelconque, eh ben on se retrouverait face à, Machin Salamé ou quoi que ce soit. Et il y a un moment ou un autre où, de toute façon, on trouverait un moyen de ne pas laisser ces gens-là s'exprimer, cette personne-là s'exprimer. La démocratie et la République, c'est des choses fondamentalement différentes et contradictoires. Parce qu'on est dans une démocratie représentative. C'est-à-dire que même si moi j'étais le gars qui vous a tous séduit et qui a réussi à obtenir, je ne sais pas, 80% au deuxième tour, eh ben rien ne m'oblige dans la constitution de ce putain de pays démocratique de tenir mes promesses. Rien. Ah, misère. Est-ce que quelqu'un peut me démontrer que la République aujourd'hui et la démocratie aujourd'hui ne sont pas la même chose? Ils sont liés, mais ils ne sont pas la même chose. Vas-y, démontre-le. C'est-à-dire que, si tu veux, la République se sert de la démocratie et du système électoral pour se maintenir en place avec une certaine légitimité. La démocratie ne sert à la République qu'à se maintenir légitimement. Et la démocratie, les élections, ils ont divers moyens de les truquer, en tout cas de les impliquer, notamment les médias. C'est là que tu vois qu'il y a une dissociation. Les deux sont liés, mais ce ne sont pas la même chose. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. La République, c'est des gens qui sont en place, qui maintiennent un système et qui se servent de la démocratie pour se légitimer. À aucun moment, le peuple n'a le pouvoir. Je voudrais juste dire un truc. À aucun moment, le peuple a le pouvoir. Il pense avoir le pouvoir. C'est pas la même chose. Mais c'est pas nous qui décidons. Donc, c'est ça, la différence. Tiens, toujours une bonne formule, je trouve, c'est on est l'inomètre. C'est pas pareil. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs avec tout ce que disait Comrade, pardon, et je suis totalement d'accord avec lui, et je pense que c'est pour ça qu'un jour ça va péter. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais à un moment, les Français, ils en auront marre d'être pris pour des cons. Hein. Moi, ce que je voudrais savoir, en fait, c'est pour toi, Matt, c'est quoi la définition de la démocratie, du coup ? La démocratie, c'est une idéologie, avant tout. C'est la même idéologie qui est partagée par les républicains. C'est-à-dire, c'est les droits de l'homme. Et les droits de l'homme ont plusieurs composantes aujourd'hui. On peut même dire que le féminisme fait partie de cette idéologie. On peut dire que le sans-frontiérisme, aujourd'hui, fait partie de cette idéologie, etc., etc., etc. Matt, si tu veux une preuve simple de la distinction bien claire entre république et démocratie, en France, on en a eu 5 des républiques. On n'a pas eu 5 démocraties. Donc la République, c'est vraiment particulier, c'est ce régime qui remplace la monarchie à partir de 1789, qui au départ est plutôt proche de la monarchie à ses débuts et qui a évolué, mais c'est pas exactement, même si les deux mots sont très proches et encore plus aujourd'hui par la dérive de la novlangue, etc., de ce qu'on en a fait. C'est erreur. Erreur. Le problème, c'est que vous basez uniquement sur l'étymologie des termes. Il y a que ça qui importe. Pas seulement. Mais si, sauf que ça n'a plus rien à voir. Pas seulement. Alors, la République, quand elle s'instaure, elle vient pour gifler la monarchie. Attends, c'est quoi la différence essentielle ? C'est que elle s'impose comme un système de pouvoir où le pouvoir n'est pas détenu par un seul monarque. Voilà, donc c'est plus un système de monarchie absolue. C'est un système de représentation du peuple. Et après, la démocratie, c'est autre chose. Encore une fois, t'es dans la superficialité. Ce n'est pas dans l'étymologie que tu trouveras la réponse. Non, c'est avant tout idéologique. Idéologique pour qui ? Alors attendez. La Chine, c'est une république. Juste pour intervenir vite fait. Cette idéologie, personne ne te dit le contraire. C'est-à-dire que pour une certaine frange de la population, oui, il y a cette idéologie. Mais ce qu'on apprend à l'école, c'est que la République démocratique, pour utiliser les deux mots ensemble, c'est le pouvoir du peuple au peuple par le vote. Et donc, si pour la majorité des... Le problème, c'est que du point de vue de qui on se place ? Matt, tu te places du point de vue de qui quand tu parles, c'est une idéologie. Tu te places du point de vue des dirigeants qui utilisent cet outil. Oui. Voilà, mais la plupart des... Là, ce qu'on parle, c'est d'un retour éventuel à la monarchie avec une adhésion du peuple. Donc donc si tu te places au niveau du pouvoir qui utilise un outil pseudo-démocratique pour asseoir son pouvoir, ouais, évidemment, le problème c'est que c'est une question de point de vue. C'est juste une question de quel côté tu te places. Non, tu es dans un combat à dire oui, mais le pouvoir utilise cette idéologie, et tu as tout le monde qui te répond oui, non, mais le peuple croit que c'est autre chose. Et toi, tu repars, tu dis oui, mais le pouvoir, et c'est ça depuis, ça fait peut-être une heure qu'on est bloqué sur ce truc. C'est pour ça que j'insiste. Vous parlez de la même chose, mais vous vous placez pas sur le même, du même côté du pouvoir. Tu as raison. Effectivement, on ne parle pas de la même chose. Non, je viens de dire que vous parlez de la même chose, mais vous vous placez pas sur le même point de vue. C'est juste fou que vous vous rendiez pas compte qu'on tourne en boucle là depuis tout à l'heure. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour les élites, si tu veux, la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple, etc. C'est ce que je viens de dire, tout ça. Tu es en train de repartir encore une fois sur le truc, Matt. C'est fou. C'est vrai qu'on cherche pas la perception de la chose de certains points de vue. Ce qui est important, c'est la réalité, quoi, des termes qu'on utilise. Et effectivement, non, la République et la démocratie, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, cette envie de nuancer et de dire qu'aujourd'hui, c'est faux. Non, dans les faits, c'est pas faux. Je suis désolé. Une République, c'est pas forcément une démocratie. Et inversement, une démocratie, c'est pas forcément une République. Arrête de dire la démocratie. C'est dur. La démocratie, c'est un régime politique. Et on repart sur l'étymologie. Oui, parce qu'on s'en fout. J'ai souligné l'ouvrage de Maxence Eckart, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne. Non, attends. Vous devriez le lire. La démocratie, c'est le régime politique. L'autre, c'est l'organisation. Comment tu organises ce régime? C'est tout. Mais c'est bien au-delà de cela. C'est ce que je vous dis. Mais non, ça c'est ce qu'on veut faire croire. Je suis d'accord. Mais ça n'a rien à voir dans la façon dont il l'exerce et que le régime politique. Quand tu as une démocratie, il va falloir que tu l'organises. Quand tu l'organises, tu choisis un mode d'organisation. Le mode d'organisation, c'est la République. Et de toute façon, la démocratie et la République sont antinomiques à partir du moment où l'abstention du peuple n'est pas reconnue. Donc à partir de là, moi je vois pas comment on peut lier ces deux concepts. Il faudrait que je fasse une petite conférence sur Discord pour expliquer tout ça, parce que là c'est plus possible. De toute façon, je pense que ça sert à rien qu'on parle encore pendant 3 heures, parce qu'on se mettra pas d'accord. Fais cette conférence. Oui, je pense que ce serait vraiment nécessaire. Fais cette conférence, mais quelque part elle a le compte. Elle dit que le comme Macron. Parce que les gens qui s'imaginent que la démocratie c'est un système politique, que la République est un système politique, c'est une large erreur. Normalement, Ouais, donc on te perd quand même. On t'entend plus. Écoute, maintenant je vais juste te dire un peu. Laisse comment finir. Et qui participent de la population. Et que ce... Ah, décidément, c'est compliqué. Non, mais je crois que le problème, c'est juste que ce que Matt appelle démocratie, c'est pas ce que nous appelons démocratie. Ce qui est démocratie. On ne parle pas de la même chose. Mais c'est parce que toi, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que tu te positionnes mal. Si on est en train de parler de jambon et que demain la doxa dit c'est plus du jambon, c'est du salami, je suis pas obligé de dire que c'est du salami, bordel. Enfin, je sais pas. C'est. Non, bon, ça sert à rien de continuer, je crois. Oui, je pense qu'on devrait recentrer un petit peu le débat et partir sur un autre peut-être aspect du débat. Non, mais tu feras, c'est quoi, Matt? Tu feras ta conférence et on en reparlera à la limite à ce moment-là. On va passer à autre chose, je pense que c'est mieux. En effet, ce serait mieux parce que voilà, c'est un petit peu dommage que vous ne compreniez pas qu'aujourd'hui la démocratie. Il repart, il peut pas. Quelqu'un peut l'éteindre. Non, c'est vrai que Matt, ça va. C'est vrai que c'est marrant en plus de t'obstiner face à ce que tout le monde dit. C'est bien. Pourquoi pas essayer de défendre ton truc. Non, mais tranquille. Je défends rien. Tu sais, je défends pas mon truc pour moi-même. Hein. Moi, je m'en fous. Si c'est une réalité que tu as envie de défendre, vas-y. Mais c'est quand même assez intéressant de voir à quel point vous obstinez sur les termes. Effectivement, on ne parle que des termes. Si jamais on parle que des termes, vous avez raison. Moi, je ne parle pas que des termes. C'est le mot final. Messieurs, si jamais on ne parle que des termes, vous avez raison. D'accord. Donc, c'est l'interprétation des termes. Ce n'est pas le cas. Je suis désolé, ce n'est pas le cas. Mais là, on essaie de parler des termes, de leur étymologie, de leur sens, des considérations. Lorsque l'interprétation, on peut en faire. Parle de république. Ou parle de démocratie, ils n'entendent pas ce que vous entendez. C'est tout. Oui, mais on est d'accord avec toi. Mais comme nous, on parle de démocratie, on ne parle pas de la même que celle que Valls. Voilà, en tout cas, juste un truc, c'est intéressant, n'empêche, d'avoir eu tout ce petit passage, parce que moi, je posais la question de la compatibilité entre monarchie et démocratie, et honnêtement, à vos réponses, je comprends pas vraiment pourquoi c'est impossible de rendre compatible monarchie et... Si Trix qui avait un bon argument, mais du coup, c'est monarchie-république, évidemment, c'est antinomique, mais donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire que monarchie et démocratie... C'est compatible. Ça existe, on a des exemples concrets. Monarchie et démocratie sont compatibles, oui. Oui, ils sont compatibles. Par exemple, tu pourrais faire une monarchie à 3 niveaux, par exemple. Les gens votent dans leur commune, votent à moitié pour leur région avec des dirigeants et après le roi prend le relais pour tout ce qui est politique étrangère, grande ligne de la nation, ce genre de choses que les gens ne sont pas. Ok, Amoros, maintenant, je reviens juste pour revenir à la grosse question qui a été posée tout à l'heure. Dans ce cas, ok, donc admettons, monarchie, démocratie, c'est possible. Comment on peut amener ça? Par quel biais en France? Par la décentralisation, déjà. Un système de répartition qui ressemblerait à une forme de féodalisme, même si c'est un féodalisme avec des personnes élues localement. Tu as des exemples de ce type-là. C'est-à-dire que, comme on le dit, tu décentralises le pouvoir au niveau, alors région, département ou autre, peu importe. Et donc le peuple va élire à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Tu peux monter jusqu'à une échelle régionale. Et après, tu peux avoir élire des représentants pour à l'échelle nationale. Et ces représentants, eux, seraient soumis à un pouvoir suprême, on va dire. D'accord. Bah, ça répond à la question, hein, Tepa, je pense, en partie, en tout cas. Oui, c'est bien d'apporter des réponses, quoi. En gardant son calme, c'est encore mieux. Mais c'est très intéressant, en tout cas, comme débat. Moi, je pense qu'on va arriver au tour de conclusion, si vous voulez bien. Matt, t'inquiète pas, on va bien te laisser faire ta conclusion. On va juste je vais faire, moi, personnellement, vous donner la mienne. C'est effectivement une question intéressante, un débat intéressant. Je suis content, au moins, d'avoir mis ces deux notions en opposition. Parce que pour moi, je me rends compte de, encore une fois, un néologisme un peu pourri, mais de l'infaisabilité de ce projet de réalisme demain. Mais par contre, je sens qu'il y a quand même des signes, avec surtout le fait que les gens, encore une fois, sont de plus en plus sceptiques quant au système républicain, démocratique, pseudo-démocratique actuel. Et que ça les amène, plus qu'on peut l'imaginer en termes de quantité ou de nombre, à envisager des changements radicaux constitutionnels. Je le disais tout à l'heure, alors je crois que c'est dans la campagne, je sais pas si c'est le seul, c'était Mélenchon qui avançait ce truc un peu chouardiste changement constitutionnel et de 6ème République. Alors c'est voilà, bon, au moins le fait que ce soit posé dans le débat public, c'est déjà peut-être une première étape, mais c'est vrai que c'est dommage que d'autres partis, d'autres personnalités politiques aillent pas un peu plus dans ce sens-là, parce que je crois qu'on a été un peu tous d'accord pour cracher tout notre venin sur la République et envisager qu'un système monarchique puisse peut-être être envisagé, nous sortir de ça. On va aller dans l'ordre, la personne qui est juste après, si tu veux bien faire ta conclusion. T'as tout dit, Amoros, on est d'accord. Jean-Paul, je crois qu'il n'a pas trop, il est pas trop dans le coin. Du coup, c'est Lo23, si t'es là. Non plus, Marshall. Moi, je dis que si on veut le retour du roi, d'abord, il faut les deux tours. Les deux tours. C'était ma blague. Merci, au revoir. Et récupérer le bon ordre. Donc, j'attendais les deux tours. Ça va, oui, t'as des interventions intéressantes. Tu veux conclure? Ouais, moi, je dirais que pour le retour du monarchie, enfin, c'est possible, mais à long terme, comme on disait, progressivement. Mais ça passe aussi par un réenracinement, un rapprochement spirituel, parce que 60% des Français athées, c'est presque flippant. Et je voulais dire que par rapport à ce que tu disais, que on voit que les gens, ils en ont marre de ce système qui voudrait autre chose, ils sont pas encore à se dire oui, pourquoi pas la monarchie, mais par contre, ils veulent tous un régime plus fort. C'est l'impression que j'ai. Donc ouais, je pense que c'est possible, mais bon, c'est pas pour demain. Ouais. San. Bah, moi, je conclurai juste en disant que ça serait bien qu'on peut-être de sortir du débat à un moment monarchie contre république. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord sur certains termes ou même sur ce qui a pu être bon ou mauvais dans chacun des régimes. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être vraiment se pencher et discuter sur une voie alternative à ces deux choses. Mm-hmm. Tony, toujours parmi nous. Oui. Moi, je voudrais dire, je crois qu'en fait, si on veut un débat vraiment balèze entre république monarchie, je crois qu'il nous faudrait un Adrien Abosy versus Pierre-Yves Rougeron, je crois. Mais il veut pas Pierre. Ah, c'est dommage, ça me déçoit. Bon, sinon, pas grand chose d'autre. C'est possible. Bref, pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est que voilà, pour mon premier débat, ça a été un plaisir de partager avec vous tous. Merci. Un grand moment. Merci beaucoup à toi. Pareillement. Véronique, toujours là. Oui, bah écoutez, moi personnellement, retour du roi, appelez-le comme vous voulez, roi, empereur, etc. De toute façon. Je pense que le système continuera jusqu'à nous amener. De toute façon, on y est déjà pratiquement au nouvel ordre mondial. Maintenant, si quelqu'un prenait le pouvoir, moi je m'en fiche pas mal comment il s'appelle, il peut être roi, il peut être empereur, dès l'instant où il reprend en main notre pays et réinstalle une souveraineté. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, en fait, récupérer notre souveraineté. Alors, Matt, on t'a pas oublié, si tu veux conclure. Oh, merci. C'est gentil. Et moi, je compte pas? Ah, si, t'inquiète. Hein. Vas-y, Cédric. Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y. T'étais avant moi. Je t'en prie, vas-y. T'étais avant moi, Matt. Ah, vas-y. Allez, c'est beau la courtoisie. Non, mais Matt, vas-y, on t'en prie. Ok. Moi, j'aimerais juste dire que il faut que les gens comprennent que la démocratie. Oh, mon Dieu. Et la République sont des idéologies. Et pour ça, voilà, il faudrait prendre à peu près, je sais pas, 1h30, 2h, afin d'expliquer cela. Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, les fondements de la République, tout ça, il faudrait à peu près 2 heures pour en parler. Non, mais donc, je te rassure, Matt. Je pense qu'on a à peu près, tous compris. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Si jamais ça vous intéresse pas, tant pis. Mais moi, je vous le dis. Effectivement, la démocratie telle qu'elle est entendue aujourd'hui et la République telle qu'elle est entendue aujourd'hui n'est pas celle que vous pensez. Ce n'est pas un simple système politique, ça va bien au-delà de cela, ce sont des idéologies, c'est tout. Mais on est d'accord, nous, quand on parle de démocratie, ouais, on ne parle pas de celle qui est là actuellement. Merci en tout cas, Matt, pour ce débat. Dol, bien sûr. Nous sommes en République, qu'il y a un vrai problème, que notre pays part en lambeaux et que du coup j'ai l'impression que les gens cherchent un petit peu partout où c'est possible des solutions pour se réapproprier notre souveraineté. Donc ce soir ça a été la monarchie, peut-être qu'il y a autre chose que la monarchie, quoi qu'il en soit c'est un fait, nous sommes en République, notre pays est en train d'être disséqué et d'être vendu à des intérêts étrangers. Le vrai sujet, c'est pas tant le débat entre la monarchie et la République, c'est comment on fait pour retrouver notre souveraineté. Et je pense que c'est ça avant tout le nœud du sujet, en fait. Donc monarchie, République, je suis pour la République. Je voudrais que celle-ci s'arrête. Est-ce que la monarchie est la solution? Je ne sais pas, mais j'espère qu'en tout cas on trouvera un moyen de récupérer notre pays et notre peuple et de le ressouder, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui. C'est le défi de notre ère en France, c'est de ressouder le peuple français. Merci beaucoup, Dol. Et Citrix, pour conclure. Alors moi, je suis, évidemment, ça ne nous a pas échappé, royaliste. La monarchie, pourquoi pas une monarchie féodale, décentralisée, qui rend le pouvoir au peuple. Une personne, à un moment, a parlé du tirage au sort. À une échelle locale, ça pourrait même fonctionner assez efficacement. Maintenant, pour ceux qui ont peur du retour de la religion avec ce type de gouvernement. Je pense que la République a sa religion, elle a ses temples et elle a donc ses, son Dieu. Voilà. Et sinon, bah, vive le roi. Merci beaucoup. Bravo, Citrix. Tu relèves le niveau. Bon, écoutez, par tradition, on laisse le dernier mot au maréchal. On peut finir sur la royale quand même. Ah bon, oui, non, je finis toujours en musique. Ben, déjà, merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est toujours agréable de toute façon de faire ce genre d'exercice. Donc, ben, voilà, merci. Alors, ce que je voulais dire, ben, moi, en propre débrief déjà du débat, puisque avant le débat, je pouvais pas savoir vraiment quels étaient les participants, mais bon, d'évident, je me disais, on va avoir quelques monarchistes, et finalement, on a presque que des monarchistes, en tout cas, on a des gens qui sont tous capables d'accepter la monarchie. En tout cas, voilà, après, à définir, voilà, même ce que, si on faisait la synthèse de tout ce qui a été dit, c'est très intéressant, voilà. Effectivement, on voit qu'il n'y a plus, en tout cas, ce rejet de la monarchie. Ça, c'est quand même une preuve d'un dématrixage quand même qui a eu lieu, parce que je dois dire, de ma génération et de ce que j'ai pu me rappeler de l'image en fait qu'on pouvait avoir de cette époque et de ce que pouvait représenter voilà la monarchie dans l'esprit, je sais pas, il y a 20-30 ans, bon, au-delà en plus même de ce qu'on nous a enseigné, c'était vraiment quelque chose de, tu peux même pas en parler, quoi, c'était presque, tu sais, c'est tellement ringard, tellement pourri, ouais, les monarchistes, voilà. Or, je suis assez d'accord avec Dom, il y a un truc maintenant qui se passe le pays il est en train de partir à volo, et dedans tout s'infiltre avec évidemment, oui, ce problème de l'immigration et la question raciale et tout ce qui va avec et tout ce déferlement migratoire, cette folie qui est en train d'emmener. Donc, on se demande finalement, c'est un peu, d'ailleurs, je vais prendre un proverbe africain, tu sais, qu'on te dit, si tu vas dans la forêt, si tu sais pas où tu vas, il faut revenir d'où tu viens. Et forcément, il y a un questionnement tout à fait logique et tout à fait cohérent. Et finalement, ce qui nous cimente, oui, c'est bien d'être français au fond. Et je suis étonné moi-même de voir que ces idées-là, qui m'étaient absolument perméables il y a encore quelques années, je suis assez étonné que finalement, vous êtes tous arrivés plus ou moins par le fait que voilà tout le truc par rapport à Meta TV, etc., tout ce qui a été fait. Et pourtant, dans ce travail-là, j'ai jamais vraiment été très insistant sur ce sujet-là. Et pourtant, je vois que c'est des idées qu'on pénétré, etc., et que je me disais moi-même qu'elles ont, voilà, à la fois elles m'ont pénétré moi, et je vois qu'elles sont vraiment très, comment dire, homogènes, voilà. Mais je pouvais pas le savoir à l'avance. C'est en plus, voilà, une découverte. Mais je pense que c'est bien d'avoir conscience, en tout cas, de ce qu'on est en train de subir et de ce qui est en train de se passer. Et c'est déjà, je pense que par déjà le commencement du début d'avoir le niveau de conscience de ça, et ben c'est peut-être ensuite le début de l'action, quoi. C'est ce qui manquera, mais de toute façon, je pense que voilà, on est en train de faire le boulot, en tout cas, pour changer les têtes et les esprits. Comme disait d'ailleurs ce cher Adrien Abosi, voilà, la reconquête des esprits. Je trouve que c'est une belle formule. Voilà. En tout cas, merci à vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Vous serez les bienvenus sur un débat sur le métissage, justement. Allez, au revoir à tous.